Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Very Good Bad Movies, l'émission numéro... évidemment j'ai sorti mon appareil photo donc j'ai pas le monologue. Ah oui, 28. Pour cette émission aujourd'hui, on a des invités et des invités exceptionnels que je suis très fier d'avoir reçus aujourd'hui. Les amis de C'est quoi les bails, le podcast. Bonjour. Salut. Guillaume. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous allez bien? Super, ouais. Nickel. C'est cool. Alors je vais revenir vers vous tout de suite après, juste pour présenter Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Ça va bien? Ouais, super. Ça se passe bien avec ta conseillère Pôle emploi ces derniers temps ou pas? Ah oui, alors du coup j'ai changé. Ah, t'as déjà changé? Ah ouais, non mais c'est bon. Maintenant je suis à Pôle emploi spectacle. Ah d'accord. Okay. Et je suis en train de négocier pour me faire financer une formation et c'est sur bonne voie. Okay. Donc ouais, voilà. Tiens le bon bout, tu vas y arriver. Ouais. Ah, il y a des Pôle emploi spécial pour le spectacle. Intermittent du spectacle. C'est tout un bail stylé. Non, ça l'est pas. D'ici quelques secondes, on va recevoir du coup Tommy et Léa et une amie à elle. Mais en attendant, du coup, je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous deux, du coup, pour savoir comment ça va, c'est quoi les bails en ce moment. Sinon. Alors, les bails, quels sont-ils? Guillaume et Sofiane ont des bribes de réponses tous les vendredis. Il a pas préparé sa réponse. Un vendredi sur deux. À chaque fois. Malheureusement que t'es là, tu vois, c'est pour ça que je peux pas faire ça tout seul. Un vendredi sur deux à 18h. C'est un podcast qui se veut tranche de vie. Pop culture, culture aussi, pas forcément de manière antagoniste, bien souvent mélangée, recoupée, croisée. Histoire, pas mal. Histoire aussi, étant donné ma profession, oui. Et on parle aussi beaucoup d'art graphique, tout ça, grâce à la présence de Guillaume, qui est illustrateur. Ouais, on va revenir dessus d'ailleurs justement tout à l'heure, mais j'invite déjà les gens qui nous écoutent en direct ou en différé à checker justement votre Instagram, parce que vous avez un Instagram. Hey, on a un Instagram, on l'a dit qu'on avait un Instagram ou pas? C'est stylé. C'est quoi le CQLB-podcast. Voilà, et c'est pas c'est un Instagram avec un concept qui vous permet de voir un petit peu l'évolution de la vignette de chaque podcast. Exactement. On part du sketch de départ pour arriver jusqu'au line art et puis monter. Après, on rajoute les couleurs, on rajoute les ombres et les lumières et puis on arrive au résultat final. Ça fait combien de podcasts que vous faites du coup? Là, c'est le numéro combien, le dernier? En comptant les HS, on est à 25, je crois. C'est ça, 25, ouais. C'est un peu plus d'un an là, du coup, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, c'est le mois de un an. D'accord. Joyeux anniversaire. Bah oui, joyeux anniversaire. Et je crois savoir que vous aviez déjà l'envie et ça a démarré plus ou moins grâce au Cozy Corner de Mamour et Médoc. Tu veux toute l'histoire? On a le temps. Ouais, toute l'histoire, c'est qu'on était un bon groupe noyau de potes nucléaires. Voilà, on était inséparables. Et pas tant que ça, vu qu'au final, on s'est séparés un peu sur l'idée de faire un podcast ou de faire un format vidéo. D'accord. Produire quelque chose, en tout cas, pour le grand public. Ou pas, ou la niche. Et il s'avère qu'il n'est resté que Guillaume et moi. Donc on s'est dit, vas-y, on se lance. Puis on a un petit peu tardé, traîné la patte. On a vu qu'à droite à gauche se lançaient des trucs. Nos amis de Merugezu, notamment, on s'est un peu greffé à eux et ils nous ont permis de progresser dans ce domaine. Ensuite, on a vu le Cozy Corner qui, là, on fait vraiment un podcast dans la veine de ce qu'on voulait faire nous depuis le début. Mmh. À ce moment-là, on s'est lancé. Guillaume, on a balancé le truc. Et voilà. On a appuyé sur rec et en fait on s'est enregistré et c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment simple, littéralement le premier, c'est ça. On a lancé le truc, ouais, on a lancé, on a mis rec, on a parlé. On ne prépare jamais rien, quoi, à part l'illustration, parce qu'il faut savoir qu'à chaque épisode il y a une nouvelle illustration, d'où l'intérêt d'aller voir l'Instagram, c'est qlb.podcast. Sur Instagram. Et le fait est qu'on prépare rien du tout, si ce n'est l'illustration en amont, évidemment, parce que ça prend un certain temps à confectionner et c'est Guillaume qui s'en charge. Et qui est souvent en lien justement avec les sujets abordés dans le podcast. Tout le temps. Ouais. Eh ben, je le conseille encore une fois. Merci. Guillaume, dis-moi, du coup, on va embrayer. De ce que j'ai cru comprendre, à droite à gauche, en ayant entendu quelques fois dans les podcasts ou alors dans d'autres podcasts dans lesquels vous avez été invité, tu as fait des études d'animation? Ouais, de cinéma. Exactement. Ok, tu peux nous en... je prends juste l'antenne deux secondes pour dire, je sais plus si c'était dans la dernière émission, le podcast sur God of War, où t'expliquais justement le A plus machin égale machin, l'explication sur... En fait, tu veux l'expliquer ça? Sur la base de papapapa. Ouais, je sais plus ce que je disais. T'avais dit dans l'animation. Rien préparé, quoi. T'avais dit dans l'animation. Ouais, dans l'animation, ouais, c'est ça. Dans l'animation, en fait, Godzilla, c'est machin plus machin égale machin. Ah oui, parce que en fait, quand t'es en temps réel, t'as pas les mêmes. Comment tu peux pas faire la même chose que quand t'es pas en temps réel, en fait. C'était ce que j'essayais d'expliquer, il me semble. Enfin, je me souviens plus trop, mais je disais en fait que le problème. Parce qu'il parlait du fait que les graphismes étaient de plus en plus dingues et que peut-être un jour on arrivera à du photoréalisme, et quels étaient du coup les nouveaux challenges à accomplir pour s'en approcher. Et moi je disais que pour moi le premier challenge restait l'animation, parce que le temps réel fait que tu peux pas te permettre de animer comme tu veux, tu dois créer des espèces de boucles pour que ça se crée en temps réel en toi, en fait. Parce que c'est pas l'animateur qui gère, c'est le joueur. D'accord, ouais. Oui, pardon, oui, c'est vrai, je me souviens. Du coup, t'as fait des études d'animation, c'est ça ? Exactement, ouais. Où ça ? Ah, je peux pas le dire. Ah, tu veux pas le dire ? Non, si, je t'écoute. Non, mais parce que c'est... C'est sec, le machin. Non, mais parce que j'ai un peu honte, en fait, c'est pour ça. Ah, honte. Dans une école, dans le premier... Je dirais juste que les affiches, il y a un bulldog français dessus ou anglais, je sais plus, et que c'est très moche. Et qu'ils ont des gens qui ont beaucoup de talent et qu'ils utilisent des agences qui leur font des merdes pareilles. Ah, d'accord, je trouve ça horrible. D'accord. Mais j'étais à une école qui s'appelle Créapol et Créapol, que je ne conseille pas. Très bien. Et les gens vous. Parce que pas tous là-bas. Les bons profs ont été virés. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai cru savoir que tu avais des bons profs en plus là-bas. Non, j'avais des très très bons profs, des gens vraiment très bons que je salue et que je remercie. T'étais quel promo 2015 ou un truc comme ça, je crois. Ok. Ouais, parce que c'est vrai. Alors je l'avais dit il y a de ça deux semaines, je crois, à Sofiane. On n'est pas tout à fait de la même génération. Non. Non. Dur. Mais toi aussi, je crois, t'es de leur même génération, je crois, du coup, toi. Je sais pas quel âge ils ont, donc. Moi, j'ai 28 ans. 28. Non, je suis plus jeune. Ah, t'es plus jeune aussi. Ouais, t'es pas loin. Moi, j'ai 21, quoi. Voilà. Voilà. Ah oui, en effet. Voilà, la jeunesse, tout ça. Ok, d'accord. Et du coup. Tu travailles en ce moment, du coup ? Oui. D'accord. Et tu travailles dans quoi ? Tu sais quoi ton... Alors, c'est un peu compliqué. J'aime pas le terme réalisateur parce que je trouve que c'est un peu pompeux. Mais en gros, avec mon frère, on réalise des vidéos pour une marque de luxe. D'accord. Donc, on fait des vidéos. Ça va des interviews à des vidéos d'événements, à des vidéos de produits. D'accord. Donc, voilà. Ok, mais ça marche bien, du coup, c'est un bon secteur. Ça marche très bien, et mais écoute, on est très content. Comme on dit ici chez nous, alhamdoulilah. Bon, ok, les gars, on va peut-être passer sur les news, du coup, on reviendra peut-être à quelques moments, et vous avez le droit de parler quand vous voulez. D'accord. C'est juste le micro, j'ai l'impression d'être dans Mambo Number 5. J'ai l'impression d'être dans un 5 étoiles. J'ai l'impression d'être Loubega. Merci Rachida Dati. Oui, parce que c'est elle qui finance. C'est une longue histoire qu'on n'est pas obligé d'essayer. Elle est maire du 7e. Vous demanderez à Arthur qui va expliquer ça, j'ai pas les détails. Ouais, elle est maire du 7e, il me semble. Ouais, je crois. On verra ça en antenne, je pense. Voilà, exactement. Bah, merci Rachida. Bon, c'est cool. On va commencer sur les news, du coup, tranquillement, posément, à la cool, à la fraîche. Faut que je m'arrête ici. Première news que j'ai vue récemment. Est-ce que je sais plus si vous aviez parlé du film Ça, le remake. Non, je crois. Non, toi, t'en as pas parlé. Mais Guillaume l'a vu, tu l'as non, vu. Non, moi je l'ai vu, j'ai même lu le bouquin. Oh, toi t'es un fan de Stephen King. J'adore Stephen. Stephen King. Aïe. Ouais, Stephen King, je l'adore. Ouais. Après, il est capable de faire de la bouillasse, quoi. Il est capable. Il en produit aussi. Voilà. C'est parce qu'il écrit énormément. Ouais. Il est très très productif. Mais ça, c'était très bien. Oui, c'est un bon, un remake, on va dire reboot ou je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, c'est un truc qui ressemble à la mouture mini-série. Des années 80. 10, non ? Je crois que c'est fin 80. 80. Je crois, je suis pas sûr, mais voilà, ça ressemble beaucoup et c'est mieux. Bon, après, il y a quelques passages édulcorés, évidemment, quand on connaît quand le bouquin, les films, etc. Forcément, il y a des trucs qui sont pas du tout adaptables. Je l'ai pas vu et dommage, c'est pas trop ma tasse de thé, tout ce qui est film d'horreur. C'est pas de l'horreur, vraiment, c'est du slasher, non ? C'est du fantastique épouvante. Ouais, épouvante. Moi, j'aime bien le mot épouvante. De ce que j'avais vu à l'époque, c'est que ça avait surpris certains, justement, qu'ils avaient osé justement s'attaquer physiquement à justement des enfants, à pas avoir. Après, si tu enlèves ça, il reste plus rien. Ouais, c'est le problème. Parce que le but de l'antagoniste, c'est de s'attaquer aux enfants. Ouais. Du coup, on a des news par rapport au casting de la deuxième partie, la partie 10 ans plus tard où ils sont adultes. Et yes. Donc normalement, je pense qu'en fait ils sont sur le point de signer. Donc c'est pas encore totalement clé, mais James McAvoy sera le héros principal. Ah, bien. Ça j'aime bien. C'est cool. Même si j'irai pas le voir le film, parce que j'ai très très peur des clowns en fait. Mais dans la deuxième partie, il est encore clown ou pas, du coup, je sais plus. Oui, il est. Okay. En tout cas, eux, ils s'en rappellent quand même. Clown quoi. Si, il est. Ensuite, la première qui avait été confirmée, c'est Jessica Chastain. Ah, ça, ça, oui. C'est la rousse, hein, on bah oui, la rousseur. De toute façon, la rousse. C'est la rousse. Voilà. Elle est définie par on, ça. On, ouais. Ouais, on savait très bien, de toute façon, on avait des. Voilà, c'était un peu un secret de Polichinelle que qui exactement. Allait interpréter le, ouais. le. C'était tellement, en fait, comment, entouré, en gros, quoi, que voilà, c'était ces acteurs-là en vogue qui allaient l'interpréter la ouais. suite, quoi. Ensuite, j'ai deux noms, non, trois noms d'acteurs qui me disent pas grand-chose, mais bon, je vais dire quand même. C'est Andy Bean pour Stanley Adulte, James Ronson pour Eddie. Adulte et Bill Hader pour le petit gros. Oh là là, bah voilà. Bill Hader, je vois plus qui c'est qui. Bill Hader, Hader attends. Bill Hader, c'est le maître du SNL. Ouais, c'est le master. Ah oui, ouais. oui. Qui était dans un super film indé avec Kristen Wiig qui s'appelait Skeleton Twins. Ouais, d'accord. Un très très bon film qui est sur Netflix d'ailleurs. Oui. Petite première recommandation de la soirée. Et voilà, ça commence. Super. Ok, bah je remercie d'ailleurs Gauthier qui a pas pu venir et qui du coup m'a passé l'information et on pense à lui. Là où tu es. Rest in peace. Ensuite, alors ça, j'ai vu ça il y a de ça deux jours. City of Lies. Ça vous dit quelque chose comme ça ou pas? City of Lies. C'est une bande-annonce qui est tombée. C'est de Brad Furman avec Johnny Depp et Forest Whitaker. Et en fait, ça va adapter des événements historiques dans les années 90, si je ne me trompe pas, sur l'enquête sur la mort de Tupac et Biggie. Oh. Et la corruption de Los Angeles, toi qui aimes bien l'ambiance caliculaire. Donc, LA, ouais, mais voilà. le LA afro-américain, c'est encore une autre ambiance. Ouais, mais là, j'ai vu l'abondance, c'est plus. Moi, ça m'a donné une vibe un peu Zodiac. Je sais pas. Ouais, ouais. C'est très sur un complot, la corruption, etc. Ouais. Et ça sort le 7 septembre. Et ce qui est curieux, enfin, je trouve ça intéressant, c'est qu'en parallèle, le 18 juin sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Unsolved qui sort et qui parle de ça justement. En parallèle. D'accord, ouais. Ça va être il y a un anniversaire peut-être qui arrive, sans doute. Et il y a de ça un an, je crois savoir qu'il y a le film autobiographique, non, biographique, biopic, biopic de Tupac qui est sorti, qui s'appelle All Eyes on Me, qui a apparemment été un gros navet, qui est sorti en direct au DVD en France. Ah merde, merde. Voilà. Alors là, évidemment, alors là, bon, on passe d'une news à une autre, et là, j'ai envie de vous dire, les gars, un peu de sérieux, on va profiter du grand cinéma, le vrai cinéma, Nicky Larson, l'adaptation par Philippe Lachaud. Le tournage a commencé hier. C'est vrai. Ouais. Mais où? Ah, mystère, ça va c'est rester ça. Secret. Est-ce que c'est au Japon? Je ne pense pas. Non, il a dit qu'il voulait. T'as pas regardé la vidéo de Carole Quinten? Franchement, il a dit que. Non, il me semblait qu'à l'époque, il avait fait une interview pour. À l'époque où ils avaient annoncé le projet. Et il avait annoncé justement qu'il voulait pas faire un truc japonisant, quoi. Bah c'est dommage parce que c'est vraiment la marque de fabrique de Nicky Larson, enfin de City Hunter, ouais. Et même de Tsukasa Ojo. C'est ça qui est marrant, c'est un peu l'effet poupée russe justement. Le côté, c'est déjà Nicky Larson, notre version à nous, la version française, était une adaptation de l'anime qui est adapté du manga. Ça n'a ni qu'une tête. Alors moi je préfère le Nicky Larson avec Jackie Chan. Moi aussi. Moi aussi. Chun-Li, voilà, on est sur du bon. Voilà. Nicky Larson. Bah bon, on a tous vu le dernier film de Philippe, je sais plus comment. Lachaud. Lachaud. Moi j'ai vu tous ses films. En fait. Voilà. Et rien à l'air. On s'en fout. Ouais. Rien à l'air. Moi j'aime bien. Oh merde. Bon, je trouve que c'est. Ah bon, je pense qu'on va y aller. Alors, Challenger has entered the ring. Alors, la température dans cette salle a beaucoup plus monté dernièrement, notamment grâce à la venue de Tommy. Bonjour Tommy, tu vas bien? Salut, ça va tout le monde? Ça va bien? En retard comme toujours? Quoi? Je déconne, c'est effectivement, t'étais à l'heure la semaine dernière. L'année dernière. Oui, dernière, t'étais à l'heure. Léa, ça va? Ça fait longtemps que t'es pas venue. Bah oui, de fou. Bah du coup, j'étais pas en stage. Je suis revenue. Enfin, si, je continue mon stage. Tu t'es pas arrêté juste pour l'épisode. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça va, ça se passe bien? C'est où déjà? C'est dans une boîte de production, mais du coup, là, il y a le tournage. D'accord. Donc, ok. Et ça, c'est vraiment. J'ai fait cool. que deux jours. C'est passionnant. C'est passionnant. Ces deux premiers jours étaient passionnants ou pas? Ouais. Ah vraiment. C'est l'essentiel. Tu as ramené une amie à toi? C'est ça. Qui s'appelle? Bonjour, Yuna, enchantée. Bonjour Yuna, ça va bien? Salut. Ça va bien. T'es aussi en cinéma toi aussi? Ouais, on est dans la même fac, elle est. D'accord. Moi. Et toi aussi, t'es dans Final Fantasy X aussi, je crois. On l'a fait souvent. La brasse. Connais ça. Les références, okay, c'est là. Cool. Et toi aussi, t'es en stage du coup, j'imagine? Non, moi j'ai déjà fait mon stage le premier semestre. Ok, et c'était où? C'était sur un long métrage qui s'appelle Curiosa, réalisé par Lou Genet. Eh bien, Que vous avez tous vu, évidemment. J'ai kiffé, évidemment. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, je vous représente Guillaume et Sofiane, qui du podcast Enchanté. C'est quoi les bails. Guillaume, une espèce de mix. Guillaume, qui travaille dans l'animation, notamment avec son frère dans une boîte qui font pas mal de choses. Bah, en fait, on fait que de la vidéo. On fait que la vidéo. Du motion design un peu, mais l'animation. Mais un jour, tu devrais faire du film, par exemple. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Et il y a un endroit où on peut voir ce que t'as fait justement avec ton frère ou pas. Des petites refs qu'on peut chercher ou... Peut-être, faudrait regarder. Je te dirai peut-être en antenne. Je okay. sais pas. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je mettrai les liens dans la description pour votre podcast, etc. Et évidemment, merci, Sofiane. C'est gentil. Sofiane qui est Sofiane. Allez, voilà. Ok. Il suffit. Ça va, ça va. Il m'a attiré, il m'a appâté jusqu'ici pour mieux me terminer. Mais bon, très clairement. Ah, c'est ton pote du coup. Pas du tout. Là, c'est, en tout cas, là, c'est mort. Non, mais je veux dire, enfin, j'anime C'est quoi les bails. Il anime C'est quoi les bails. C'est quoi les bails avec mon ami et frère Guillaume. Et parce que c'est comme mon frère, en fait, maintenant. Et sinon, dans la vie, je suis professeur. Mais voilà, après, ça. Un érudit. Ce n'est pas. Non, mais vraiment, vous écouteriez les podcasts. C'est vraiment, il mérite bien ce terme d'érudit. On a parlé très brièvement, du coup, du. Bon, je vais vous faire le résumé de ce qu'on a fait là. On a parlé rapidement du casting de ça, la deuxième partie. Je sais pas si ça vous. Est-ce que pas de l'avoir pas vu pour moi. Non. Non, moi non plus. Je passe. Très bien, super. On va passer sur ça. On va continuer l'émission comme si de rien n'était. John Wick 3, Parabellum, qui sort dans un an tout pile. Annonce de casting à Libéry. Oh, pourquoi pas aussi. À Libéry. Je vois Sophie qui fait non de la tête. Tu n'approuves pas moi, les John Wick. Je trouve ça pitoyable, vraiment. Oh, en fait, c'est une volonté de remettre Keanu Reeves sur le devant de la scène alors qu'il est zéro depuis le début, en fait. Faut le dire. Oh, pas depuis le début. Dans... Ouais, Neil Diamond, arrête. Non, bah, tu vois, ces rôles-là, les rôles de films un petit peu psychédéliques, c'est les meilleurs. Constantine, je préfère le comics vraiment. Et en plus, dans le comics, il n'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà, oui, c'est pour ça que. C'est autre chose. C'est pour ça que j'ai pas aimé l'adaptation, mais. Keanu Reeves est très bien dans The Bad Batch. Je sais pas si vous l'avez vu. Pourtant, le film est mauvais. J'en ai entendu beaucoup parler. Ouais, mais le film est mauvais, mais Keanu Reeves est bien dedans. Mmh. Matrix. Qui voilà. Voilà, peut-être après, voilà, je lui céderai peut-être ça. Le Matrix 1. Le 1 seulement. Mais Keanu Reeves, non, un mec. Je sais pas, il a réalisé et joué dans un film qui s'appelle The Man of Tai Chi. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça, par contre, Ah oui, c'est pas l'adaptation de Bouddha, ça? Non, c'est un film très contemporain, avec un film d'art martiaux. Il a voulu un peu croquer dans le gâteau ciné HK, tu sais, avec des acteurs chinois, avec du kung-fu un petit peu authentique, sans succès malheureusement. Ouais, et aussi 47 Ronin sans succès. 47 Ronin qui gros est vraiment le qui ne va pas du tout. Très gros. Et Knock Knock aussi, faut pas oublier. Ouais. Ah, celui-là, ouais. Ça me dit rien du tout. Par aussi encore pire. Bah, tellement c'est naze, t'as oublié. C'était pas je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai. Sur quel point? Parce qu'on a répété qu'elle aime Philippe Lachaud. Je le dis pour les. Ah, moi j'ai pas dit que j'aimais pas Kenny Wiz. Regarde ce lâche là. Non, je dis les films que j'aime pas. À la fois. Juste, je dis aux auditeurs, c'est très marrant ce qui se passe sur la table. On a un côté mec, un côté meuf. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai, c'est extraordinaire. Un arbitre au milieu. Moi, l'arbitre, évidemment. Non, Kenny Wiz, c'est plein de films que je kiffe. Allez, du coup, t'es pas d'accord, pourquoi? Moi, j'aime bien Kenny Reeves. Je trouve qu'il est pas. Enfin, je sais pas, il y a une présence. Il est plus dans le silence et dans qu'est-ce qu'il peut donner quand il parle pas que dans le texte à proprement dit. Après, j'aime pas tous ses films. J'adore Matrix. Donc, voilà. Tous les Matrix. Moi pas. J'aime beaucoup Matrix. Hein. Bon, le premier, je l'adore plus j'aime, moi, que j'ai un petit bémol pour le 3, mais sinon les autres. Voilà. Après, Knock Knock, j'avais bien aimé. C'est quand en fait il y a deux filles qui s'incrustent chez lui et ça devient très vite l'horreur pour lui. Oui, je me souviens un petit peu. Oui. Ça vous a pas bon, après c'est pas mon acteur préféré mais Faut le dire quand même que dans John Wick, excuse-moi je te hijack la parole, hein, je suis désolé. Dans John Wick, il est un peu lourdeau. Et j'ai vu, moi je regarde absolument tous les making of de films où il y a de l'action parce que ça m'intéresse de voir comment ils ont fait les trucs. Et là, pour le coup, c'était pas intéressant. Mais en tout cas, on le voit faire du MMA et tout. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, cette affaire de MMA pour faire des scènes où en fait, il fait trois fois rien. Et c'est fréquent de le voir justement des vidéos de lui justement dans les terrains militaires justement. Mais parce qu'il aime bien en fait se mettre en avant là-dedans. Il aime bien en fait se donner une espèce de crédibilité. Mais je suis sûr que, enfin, moi, je le trouve vaguement sympathique en fait. Il se prend trop au sérieux. Il fait trop style le gars qui est arty qui en même temps a une vision de l'action à lui. Enfin, je sais pas, Tommy, je trouve qu'il sonne fou. Tu veux rebondir, Tommy? Vas-y. Moi, quand même, je le respecte quand même en tant que comédien. Ouais. Parce qu'il a une volonté de faire. Hein. Il a perdu sa femme, il le détruit de ouf. Voilà, la volonté, c'est pour ça que tu peux pas cracher dessus. Quoi. C'est la volonté. Puis son jeu d'acteur, ça va, je comprends. Mais j'ai pas forcément que des bons films. Mais t'as fois de mien. Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas Keanu Reeves. J'ai dit, il y a des films dans lesquels j'aime pas. Oui, oui, on sait. Donc, mais ce que je trouve intéressant avec Keanu Reeves, c'est que justement. Elle me cherche, elle. Et là, en fait, il a. Si y a un jeu, je suis contre toi. Je parle. Il y a un jeu. Vas-y, parle. Ce que j'ai remarqué, du coup, c'est avec les trois John Wick, justement, il est retourné dans le film d'action assez fréquent, justement, quasiment un film par an. Mais en parallèle de ça, justement, avec Knock Knock, et là, j'ai vu une bande-annonce très récemment d'un film dont j'ai oublié le titre, mais c'est une comédie romantique avec Winona Ryder de Stranger Things. Où je vois qu'il tente des trucs. Tu l'as entendu ou pas? Avec Keanu. Oui, bon. Enfin bon, voilà, on va. Oui, tu veux juste partir? Mais par contre, je suis docteur. Je suis d'accord. Bah, félicitations. Ah bah, tu t'es peut-être trompé de Pôle emploi. Je suis d'accord avec Sofiane sur le fait que c'est vrai que ça fait un peu. Je fais mon auto-promo pour voilà. Me remettre sur le devant de la scène parce que. Et ça se sent immédiatement dans le cinéma. On voit The Rock, par exemple, ses derniers films, enfin Dwayne Johnson, on sent que c'est lui qui est derrière. Ouais. Oui, c'est zéro, quoi. Voilà. Et c'est la preuve. Mais quand tu fais des suites à rallonge, oui. Ça, c'est avec Jumanji. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière et Daniel Andreev du Camus Robotique Verse podcast qui en a parlé. Je crois que les derniers acteurs qui a vraiment le côté phénomène du Starmania, enfin, c'est-à-dire qu'un film qui se vend juste parce qu'il tel acteur, c'est Dwayne Johnson en fait. Ah, The Rock. Tom Cruise aussi. Tom Cruise aussi. Tom Cruise effectivement. Aussi, oui. Effectivement, très. Bah oui. Et lui, c'est le meilleur en fait de du panier. Quoi. Ouais. Je termine sur John Wick en disant qu'il y aura aussi Mark Dacascos. Ah bah ça. Lui, c'est un vrai. Mark Dacascos, le meilleur. Le meilleur film des années 90. Only the Strong. Où il joue un mec, un américain qui apprend la capoeira et c'est le seul film de capoeira qui existe. Oh. Le deuxième, c'est comment ils font de la capoeira dans Magic Mike aussi. Ah oui, c'est pas la même de capoeira. C'est pas la même capoeira en plus. Objectif. Voilà. Et sinon, Marc Dacascos dans Le Pacte des Loups, qui est un film de Christophe Gans. Oui. Très bon film. J'aime bien Pacte. Les scènes d'action sont très bonnes parce que c'est justement Marc Dacascos qui a fait. Et aussi une très bonne adaptation de jeu vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. T'as dit quoi? Ah, ça fait longtemps. On l'a vu dans Hawaii 5-0 parce que c'est un Hawaïen, tu sais. Donc on le voit beaucoup dans Hawaii 5-0. Il campe un méchant. On l'a vu dans Agent of Shield. Il est dans Agent of Shield. Saison 2 là, parce que saison 1. C'est un mec qui est. Ah oui, c'est un random. Oui, c'est un random. Je me souviens. Oh, c'était incroyable. Mais tu sais que ce mec-là a fait un Danse avec les Stars aux États-Unis. Il est vachement connu dans la communauté. On va dire. Ouais, hawaïenne, pas océanique, voilà. Et non, il a son. Je pense qu'il peut rameuter des gens au ciné, quoi. Ouais. C'est possible. Oui. Un vrai mec des arts martiaux, quoi. C'est vrai, c'est vraiment ouf. Qu'il... Allez, je jump sur la prochaine news. La bande-annonce de Mowgli est sortie. L'adaptation du livre de la jungle de Andy Encore, Serkis. Enfin, ils l'ont fait il y a pas longtemps. Le livre de la jungle de John Favreau qui est sorti il y a deux ans. Cette fois, c'est pas par Disney. Mais... Alors, j'ai pas pensé à le faire, mais je suis persuadé. Je mettrai ma main à couper qu'il y a un gars sur YouTube quelque part qui a fait un mix des deux trailers. C'est sûr. Pour que ça puisse être le même film, quoi. En fait, c'est vraiment. C'est assez fou de voir à quel point c'est à peu près le même film en si peu de temps. C'est pour dire à quel point Warner Bros sont vraiment à la ramasse. Ah, c'est Warner Bros, c'est pas Disney? Non, c'est Warner Bros. Non, c'est pas Disney. C'est la version de Disney qui a été faite il y a deux ans. Voilà, donc on va refaire encore. Certaines critiques sont sorties en disant que le film était bien plus sombre que ce qu'on avait pu voir et que c'était pas une copie conforme du dessin animé comme on a pu voir il y a deux ans. Ouais, mais là c'est vrai que le feeling, c'est beaucoup moins genre on fait des chansons, on s'amuse, c'est plus dark. Un peu, je sais pas si vous voyez l'adaptation de la légende de Tarzan récemment avec Alexandre Skarsgård. Voilà. C'est un peu ce même feeling là, si vous voulez, un peu curieux. Mais alors, par contre, du coup, d'un côté, je suis un peu ok parce que je me dis que c'est Andy Serkis qui chapeaute le machin, donc les effets spéciaux devraient être pas mal. J'ai vu ça quand même, Et en fait, quand j'ai vu la bande annonce, je crois qu'il a utilisé la même technologie que pour la planète des singes, ce qui est cool. Mais du coup, ça marche bien sur les primates, mais pas sur les autres animaux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un ours avec un visage humain, un loup avec un visage très. On est vraiment dans le. Comment ça s'appelle déjà Uncanny Valley. C'est-à-dire l'espèce de moment où vraiment on a un malaise et on ne croit pas du tout à ce que l'on Petite voit. Petite parenthèse intéressante, Tommy, c'est Benedict Cumberbatch qui fait la voix du tigre, qui faisait aussi la voix de Smaug. Shere Khan. Oui, alors pareil, encore. Du coup, ça peut être pas mal. Similitude encore avec le livre de la jungle de Disney, gros casting de plein de stars pour les personnages. Et ils ont eu la même idée de. Comment il s'appelle déjà le serpent, j'ai oublié. Ka, qui est encore joué par une femme. Voilà. Scarlett Johansson pour le livre d'Agen, là Kate Blanchett. Tu iras voir. Ah, c'est Kate Blanchett. Là, c'est Kate Blanchett. Il y a un cas en fonte. Voilà. Ensuite, comme ça, vous n'avez pas des news, vous, de votre côté, des trucs que vous voudriez aborder comme ça? Non? Celles que j'avais, tu les as dit. Il en reste une, donc c'est pour ça que je vous propose. Non? Dernier mot, ok, super. Y a, je sais que, alors, ça allez, c'est pas une exclue parce que c'est arrivé ce matin et j'étais content. Il y a IndieWire, je sais pas si vous connaissez le site qui est très prolifique en news. Il a balancé, ils ont balancé une news sur Guillermo del Toro qui aurait acquis enfin. Ah, les montagnes hallucinées. Les montagnes hallucinées. Alors là, normalement, on va être sali au plus profond de. Montagnes hallucinées, tu peux nous rappeler si. Les montagnes hallucinées, c'est un bouquin de Howard Philip Lovecraft. Qui raconte l'histoire d'une expédition en Antarctique qui aurait découvert des vestiges sous la calotte glaciaire, quoi. Un kilomètre de glace, tout ça. Donc ça sent le The Thing, tu vois. Et ça, c'est le. C'est, bah, on en reparlera tout à l'heure avec Terry Gilliam, mais ça fait partie des marottes, en fait, Des Arlésiennes, exactement. Marottes, c'est pas le bon terme. en fait, je crois que ça fait vraiment une vingtaine d'années qu'il essaie de l'adopter. Au moins depuis les années 90. Et bah, je pense que c'est depuis son Oscar que, du coup, ça lui a ouvert les portes. Certainement. Tant mieux pour lui, comme on dit. Dernière news, moi de mon côté. La suite. Alors, on est très. Paul Poster, machin. On va parler de films un peu plus. Non, parce que je sais que t'es. Tu sais ce qu'on a changé, vas-y. C'est vrai que ça te permet depuis longtemps. C'est vrai que t'as totalement choix de profil. Depuis. Regarde Avengers, tout ça. La suite de Spider-Man Homecoming. Enfoiré. Juste pour dire, on a eu des news hier comme quoi Michael Keaton va revenir. Ah bon, cool. C'était l'un des gros points forts du film. Et que, apparemment, Jake Gyllenhaal va jouer Mysterio. Ouais. Et ça, c'est surprenant parce qu'il y avait de très longues rumeurs ces derniers temps qui disaient qu'il allait peut-être remplacer Ben Affleck pour Batman et que Matt Reeves, qui est le futur réalisateur du film Batman, voulait le prendre. Et bien, finalement, Marvel a coupé l'arbre sous le pied de DC, on dirait. Et ça risque d'être prometteur. Ça risque d'être prometteur, une adaptation. Il a raison d'aller chez Marvel. Ouais. Au niveau du chèque. Mais il voulait pas à un moment John Hamm pour remplacer Ben Affleck. Oui, c'est aussi en parallèle, mais ça a aussi le concrétiser. J'étais trop occupé. T'étais sur Taxi, toi, non? Le 5, bien sûr. Je vais pas l'aimer, lui. Hein. Il est très vanneur, lui. C'était bien lancé. Et du coup, on va terminer sur ça. Spider-Man Coming qui est censé sortir pas très longtemps après Avengers 4, donc dans un an et quelques. Voilà. Donc, bref. Voilà. Tu connais le calendrier Marvel? Parce que je sais. Là, Ant-Man, Captain Marvel. Captain Marvel, c'est après Avengers. 2019, ouais, ça. Non, c'est avant, justement. C'est juste avant. Un mois avant. C'est très short. Et en fait, on connaît qu'il va y avoir des suites, mais on n'a pas le planning. Après, ils ont dit, on garde. Il y en a un par semaine de Marvel. C'est ça, en fait. Voilà. Un par mois. Bon, on sent la hate. On a terminé sur les news, on va très rapidement parler du box-office de la semaine. J'ai les chiffres, c'est cool. Allez, Deadpool en premier. Waouh, t'es tellement malin. Exactement, Deadpool en premier qui. Alors, il est sorti dans 601 salles et il a fait un total de 1 206 000 entrées. C'est pas énorme pour 600 salles. Ouais, pour 600 salles, c'est pas énorme, mais en même c'est temps. C'est gros, mais. Pour mais en même temps, salles, tu vois, il a dépassé le premier et il a déjà. Il a, oui, ça y est. Sérieux? Ouais, déjà. Et il a réussi à débouter Avengers qui est à sa quatrième semaine et qui est toujours à deuxième place avec. Pourquoi j'ai préféré Avengers que Deadpool? Avec un total cumulé de 4 655 000 pour Avengers. C'est pas rien. En France seulement, évidemment, France, je vous donne les chiffres. Ensuite, en troisième place, on a Dinos, Todos lo saben, avec Javier Bardem. Ouais. Qui marche plutôt bien quand même, n'empêche, c'est pas un film comme ça, qui a fait cette semaine, c'est à sa deuxième semaine, et cette semaine il a fait 156 200 entrées. Pas mal. Il est à 500 000 en cumul pour l'instant. Mais ensuite, je pense que. Mais le fait que Escobar soit sorti un peu avant, que Everybody Knows fasse l'ouverture à Cannes, ça a dû aider en fait, justement, à ce que les gens se disent, pourquoi pas, on va le voir. Je pense que ça a aidé, mais c'est peut-être qu'au contraire. Parce que du coup, tu vois le couple à chaque fois. T'en vois un, mais peut-être pas les. Il a une carrière très prolifique depuis 2-3 ans, Javier Bardem, quand même. Il a enchaîné Pierre Desc. Bon, c'est pas ouf, mais Pierre Desc, Mother, etc. Vraiment, sa carrière se porte plus. Pourtant, il a failli se faire blacklister. C'est pour ça que j'évoque ça. Avec Penelope Cruz, il a failli se faire blacklister. Il a joué dans Mother aussi. Pourquoi? Par rapport à, il me semble, un tweet qu'il avait lâché au moment du bombardement de Gaza de l'année dernière, pendant le Ramadan d'ailleurs. C'est la même période que je. Non, il y a 2 ans, je crois, plutôt. Non, je crois que c'est l'année dernière. Je m'avancerai pas. En tout cas, voilà, il a eu des petites embrouilles parce que voilà. En plus, c'était ça allait. Enfin, ça commençait les Me Too, tout ça. Enfin, voilà, toutes les affaires et tout. Donc, c'était pas la bonne température. Quatrième position en guerre avec Vincent Lindon, qui marche bien. Ouais. C'est cool. Qui est bien, hein, qui est très très bon. On en parlera peut-être un peu après. C'est un docu-fiction un peu. Celui il fait un peu. Bah, il avait déjà fait un film, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, ouais. Oui, avec un grand. La loi du marché. La loi du marché. Oui, c'est on en a parlé la semaine dernière. Mais celui-là, apparemment, il est. Ils disent après un cran au-dessus. Ah ouais, les beaucoup Vincent Lindon. En guerre. Ouais, d'accord. En guerre est mieux que. C'est le meilleur acteur français dramatique, oui. Hein, en vrai. Ouais. Ouais, il est fort. Dans c'est... Aussi le, c'est pas le miracle, c'est l'apparition. L'apparition. Qui était sorti. Oui. Qui est sorti. Voilà. Pas très tout seul, il était là et il faisait le film et voilà, et au revoir, hein, 2 heures et c'est bon quoi. La moustache aussi. Non. Alors tu vois, il a fait Rodin aussi où il avait une barbe et il avait fait Rodin aussi. Oui, c'est vrai. Rodin, et j'avais pas accroché du tout. Mauvais, c'était mauvais. Rodin, c'était pas terrible. Non, c'était pas ouf. Ensuite, on a Rampage avec Dwayne Johnson. Bon, ah ouais oui, oui, il est toujours là. C'est sa 3e semaine, je crois. Ouais, 3e semaine déjà. Et il marche bien, mais bon, là, il est arrivé à sa fin de carrière. Il va pas aller au-dessus de 1 million en France, je pense. Ensuite, on a Taxi 5, évidemment. Taxi 5 qui est encore là, qui est à sa 6e semaine quand même. C'est pas rien. La Palme d'Or. Ah, oui, la Palme d'Or. C'est parce que je suis en bête. Il l'a pas eu, mais. De Marseille, pas de cas. Là, c'est mon coup de gueule, il a pas eu la Palme d'Or, je suis déçu. On a Monsieur Je sais tout, une comédie française. On en a très peu parlé, on en a pas du tout parlé ici, je crois. Hein. Non, on en a pas parlé. Je peux poser, une question à l'Assemblée. Bien sûr. Vous êtes plus film étranger ou film français ici? C'est un peu hétéroclite. Moi, ici, ça dépend. Vraiment, j'ai pas de. Moi, j'aime bien les deux. D'accord. Ouais. De plus en plus, je vais vers le film français. Ouais. Je suis pas trop blockbuster, mais sinon après. Moi, je suis blockbuster français. Ah, mais tout blockbuster, mais sinon après, film étranger. Ça français, existe les blockbusters. Bah, taxi. Bah, taxi. Ouais. Taxi, tiens. Hein. Ah, oui. Valérian. Malheureusement. Ouais. Astérix aux Jeux Olympiques. Ça. Attention. Film. Mission Cléopâtre, je préfère. Ah, ça va. Tu as bon goût alors. Bon, ensuite, je vais un peu plus vite. Du coup, on a Monsieur Je sais tout en 7e position. 8e position, Action en vérité. 9e position. Tadeo Jones 2, un film d'animation espagnol. Voilà, je pense que vous avez vu toutes les affiches sur les photomatons. Non, pas les photomatons, comment on appelle ça les, là, on rentre dans des cabines pour se prendre en photo. Comment on appelle ça? Un photomaton. Très bien. Un photomaton. Et en 10e position, Death Witch, qui est à cette 2e semaine, mais qui, du coup, est à 194 000 entrées. C'est très peu. Death Witch, c'est quoi déjà? Death Witch, c'est le remake de Injusticier dans la ville avec Bruce Willis. Ah oui, oui, le truc que je crois que c'était Netflix. Oui. Mais attends, je reviens sur les photomatons. T'as fait tous les photomatons de Paris? Non. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Il y a une espèce de gang des films d'animation qui sont dont on n'entend pas parler et qui sont sur les photomatons. Déjà sur le film Disney, j'ai cru que t'allais dire un gang tous les photomatons. Il y avait aussi, moi je me souviens, c'était un film d'animation avec Rihanna. En route. En route. Et il y avait ça dans les photomatons. Ouais, c'est un DreamWorks. Il y avait ça dans les photomatons et c'est resté pendant 2 ans alors que le film était sorti. Je ne comprenais pas. Ça n'avait aucun sens. C'est complètement un bon film. Je ne pense pas. Il est sur Netflix, pas si vous voulez. Avec Jim Parsons aussi. Ah, je crois qu'il y a une série en plus. La série, c'est un vieux dessin animé tout pourri. Enfin bon. Le film est bien. Sur Netflix, c'est un dessin animé. C'est DreamWorks, ils font souvent Non, je crois que c'était film, mince. Mais DreamWorks, ils font souvent leurs films avec. Après, ils refont une série animée avec. D'accord. Ouais, comme Dragon. Tout. Comme Dragon, exactement. Dragon, encore, ça suit. C'est comme dans le film. C'est fait pareil. Mais là, sur Netflix, en route, c'est moche. Non. C'est pas fait pareil. J'ai rajouté le cochon Pig machin. Tu sens quand même qu'il y a un petit. Au niveau du budget. Que ça descend, quoi. Il y a moins de détails et tout. Peppa Pig. Peppa Pig. Voilà. Ça ressemble à ça, les dessins dans conversation folle. On a fini avec le box-office. On va parler d'un petit truc. On va en parler très très brièvement avant de passer au sujet principal. Le palmarès du Festival de Cannes. Je sais pas si vous l'avez regardé, vous. Moi j'ai juste vu des petits extraits YouTube de certaines récompenses. D'accord. Tu l'as suivi ou pas, toi, du coup? Non, tu étais en stage, t'as pas. Ah non, mais non, je l'ai pas suivi. Très bien. Mais vous, du coup, vous m'avez dit que vous l'avez suivi, c'est ça? Non, on a regardé des interviews. Moi j'ai regardé toutes les interviews quasiment, ouais. Okay. Combiné, dès que je voyais un gars que j'aimais bien, je regardais notamment celle de Solo qui était intéressante. Oui. Il y avait Woody Harrelson Renoir, sa fille, c'est Bryce Dallas Howard qui joue dans Jurassic World. Je m'en suis rendu compte il y a une semaine, c'est Jessica Chastain bis. Voilà, exactement. C'est pour ça que je la confrontais justement assez régulièrement parce qu'elles sont rousses, évidemment. Toutes les rousses se ressemblent, c'est raciste. Donc, du coup, alors bon, je vous fais un peu le palmarès. Si vous voulez développer là-dessus, si vous avez. Oh, tu m'as remis le générique. T'as en t'es là, Arthur. C'est fou. Putain, t'as augmenté rien là. En plus, la semaine dernière, je m'étais fait un petit délire à la Edouard Herbert au début. T'as pas idée. C'était génial. Oh, c'était gentil. Ouais. Palme d'or, une affaire de famille. Faut savoir que Sofiane est. Japonophone. Est-ce que tu pourrais me dire correctement son nom? Tout en haut. Hirokazu Koreeda. Merci. Oui, alors en fait, tu sais que moi aussi. Oui, c'est vrai que tu le fais aussi. Si tu prends complètement oublié. Ça fait. En fait, mais tu me connais tellement que tu me connais plus. Mais je privilégie non, les invités. Comment ils ont évincé le couple. Non, mais vas-y, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Et du coup, je te laisse tout le monde. Toutes les fois où il a écorché les noms, ou Estelle aurait pu le faire. J'en ai écorché des noms. C'est la Palme d'Or. Oui, Palme d'Or, oui. Tu m'en avais beaucoup parlé la semaine dernière. Et personne d'autre l'a vu, du coup. Ouais, je l'avais pas vu, mais. Non, je l'ai pas vu. Ok. Mais j'avais suivi. Je sais pas s'il est sorti. Je pose une question, savoir s'il est sorti. C'est incroyable. Il n'est pas sorti. C'est très préparé ce que je fais. Palme d'Or, ensuite Palme d'Or spéciale. Alors celle-là, elle m'a fait rire quand même. Jean-Luc Godard pour le livre d'image. Parce qu'il est là tous les ans, à un moment donné. Voilà. Juste pour dire, j'aime pas quel festival de Cannes. Surtout qu'il n'aura jamais les chercher. Il a fait un FaceTime ou un truc comme ça. Non, mais il a fait une conférence de presse au téléphone. Ouais, c'est ça. En visio, tous les jours. Mais en fait, je trouve que ça devient un truc artistique, hein, jusqu'à à partir de quand le foutage de gueule, il va vraiment atteindre son paroxysme. Mais ouais, c'est la partie du sketch de Cannes. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin bon, mais écoute, s'il est content. Alors, j'ai pas vu le livre d'image, donc je pourrais pas dire, mais j'ai trouvé un peu poussé et abusé. On dirait que c'est un peu comme c'est Godard, il lui faut toujours un prix spécial ou un truc, des remerciements. Il a vu Execo avec Dolan, c'était un peu ridicule de pas laisser son prix. Il faut quelque chose, quoi. Ensuite, le grand prix Black Clansman de Spike Lee. J'ai seulement vu la bande annonce. J'attends pas mal parce que il y a Adam Driver. On va en reparler tout à l'heure avec Don Quichotte, qui a une très bonne carrière. Il embraye très très bien. Il fait pas mal de choses, des choses assez différentes. Et donc c'est le retour de Spike Lee avec justement aussi l'un des rôles principaux du film, c'est le fils de Denzel Washington, qui est dans Ballers. Exactement. Et en fait, quand je me suis rendu, là encore une fois, je suis vraiment à la ramasse. C'est que grâce à cette bande annonce que j'ai su que c'était son fils. Ah ouais. C'est incroyable, incroyable. C'est vrai qu'il le ressemble pas tellement. Non. Carrément pas, c'est fou. Du coup, vous Black Clansman. Oh, on veut le voir. Enfin, Parce que c'est en plus, c'est, je crois Spike que c'est KKK et tout ça, donc c'est intéressant forcément historiquement. Et connaissant Spike Lee, il va nous faire un truc inside un peu marrant. Ouais. Adam Driver, il a un petit potentiel humoristique. Ouais. Il a un gros même. Ouais. Bah, rappelle-toi le dernier de Soderbergh. Il était hilarious dedans. C'était. Comment il s'appelle Logan Lucky. Avec Channing Tatum. Et Craig. Et Daniel. Et surtout Daniel Craig. Prêt d'interprétation féminine, Samal Yeslayamova pour ce rôle dans Aïkia. Aïka. Okay. Voilà, Sartak, exactement. Félicitations à elle. Pour prix d'interprétation masculine, Marcelo Fante pour ce rôle dans Dogma. Ouais. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu sa tête quand il prenait le prix, il y avait Benny. Il avait l'air heureux ou pas? Du coup, il voulait pas prendre le prix. Il voulait lui donner, t'es en mode non, je peux pas le prendre et tout. Mignon. Il l'a pris, mais. Oui, je me doute. C'est un peu con quand même. Ok. Prix de la mise en scène, Cold War de Powell. Paulikowski. Voilà, tant mieux. Prix du jury, Capharnaüm de Nadine Labaki. Ouais, je crois que c'est un film, iranien. Oui, je crois. Je crois que c'est ça. Parce que là, l'interprète était persan. C'est un petit garçon. Il a l'air bien ce film. Et ensuite, prix du scénario à ex-aequo, Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazaro et Nader Saivar pour Trois visages de Jafar Panahi. Je crois qu'il est iranien lui et qu'il est interdit de projeter Je crois avoir lu comme quoi il y a sans doute je sais plus qui exactement qui a récupéré son prix qui lui a délivré justement en Iran justement. Parce qu'il a pas le droit de quitter. Je crois que c'est fréquent. Les réalisateurs iraniens c'est assez controversé. Enfin ils peuvent pas trop. C'est très fréquent ça malheureusement. C'était arrivé aux Oscars aussi. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons pour le coup. Il ne pouvait pas rentrer en fait. Après, il est iranien aussi, celui qui a fait avec Penelope Cruz et Javier Bardem. Là. Asghar Farhadi. Aussi un iranien, tout à fait. Le Festival de Cannes, je pense qu'on va en parler davantage, mais au retour de Jérémy, ça devait être pour la semaine prochaine, mais finalement, il va revenir pour le 3 juin, je crois, c'est ça, dans deux semaines. Donc, ce sera un peu en retard, mais bon, mieux tard que jamais, écoutez. Intérêt à avoir vu les films, du coup. D'ici là, oui, je vous dis à vous, les gars. Le Lars von Trier s'y fait. Le Lars von Trier, il y a eu pas mal de trucs. La bande annonce, elle est vraiment cool, elle est vraiment super bien montée. Ouais. Moi, j'ai jamais été ultra Lars von Trierophile, je dois vous l'avouer, mais c'est toujours des propositions intéressantes et je crois savoir c'est la première fois qu'il est revenu à Cannes depuis quelques années, c'est ça? Depuis qu'il y a eu certains. Ouais. Bon, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de conférence de presse. Il y a eu Gaspard Noé aussi qui a... Gaspard Noé, ouais. Qui a Climax, c'est ça? Climax, c'est Climax. Ça. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses quand même à ce festival de Cannes. Apparemment, celui-là, il est hyper soft par rapport aux autres. Aux Love, autres. Ouais, ouais. Donc, justement. C'est un peu difficile. Ouais, faut se calmer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cul dans celui-là. C'est sur des ballerines, je crois. C'est sur de la danse classique ou une connerie comme ça. Ouais, je crois. Une connerie comme ça. C'est un truc de danse, mais c'est plus hip-hop. Ah, d'accord, ok. Du coup, j'ai mal compris. Il n'y a rien dans la tête en 3D cette fois. Il serait plus soft, mais que dès le prochain film, il revient. C'est encore pire, ancien. Allez. Ouais. Bah écoutez, je vous propose de faire éventuellement une petite pause, comme ça, voilà, ça nous permet de se remettre un peu en état, prendre un peu l'air déjà, parce qu'il fait un peu très chaud, et ensuite on va reprendre sur un petit jeu et sur les films de la semaine. Voilà, à tout de suite. Oh. Ah oui, il faudrait peut-être que j'allume mon micro, ce serait plus pratique. Ah là là, professionnalisme, tout ça. On va reprendre tranquillement, doucement, avant de parler des films de la semaine. Je vous ai. Alors. Je vais vous expliquer la situation. Comme Jérémy n'est pas là, je devais m'occuper du lancement de l'émission, l'enregistrement de façon autonome. Donc je n'ai pas prévu de blind test. Alors ça aurait été cool un blind test et tout, ça aurait été stylé. Mais bah non. Et finalement, Arthur est là, donc c'est un peu bête. Mais comme j'ai quand même un peu taffé, j'ai prévu un petit quiz que j'ai inventé vite fait, très tard la nuit hier, donc ça va pas être ouf. Mais c'est une bonne idée. Si... Bon, c'est gentil. Nous, on connaît le principe, c'est une bonne idée. Quiz. Alors, le principe est dans le titre. Le titre que j'ai trouvé encore une fois hier, ça s'appelle Le jeu où il faut deviner de quel film parle la critique une étoile sur allociné.fr. Ouais. Voilà. Au moins, on comprend la consigne. Ça fait petite consigne. Bah voilà, c'est que des films. Actuellement à l'affiche. Bof, quoi, non. Mais peut y en avoir qui datent d'un mois ou deux. Et il y a un super bon critique une étoile. Ah oui, oui, que des critiques une étoile spectateur, ouais. Ah oui, c'est ceux qui n'ont pas trop marché. Ça peut être un film. Ouais, les spectateurs, film. Des fois, ils sont pas contents pour ou pas. Ouais. Il y a toujours des gens qui mettent une étoile à un film qui est unanimement apprécié. On verra. Ok. Écoutez, je vous dirai, si jamais je vois que c'est galère ou pas, je vous donne des indices, etc. C'est pas voilà. Comme Jérémy en mode c'est super non. Facile. Non, on trouve pas, on a tout le temps. Super facile, tout le monde regarde en mode. Alors évidemment, je le précise, je l'avais dit tout à l'heure en antenne. L'idée m'est venue aussi partiellement due à un podcast cinéma qui s'appelle 2 heures de perdu, avec la dernière séquence qui s'appelle les commentaires machin. C'est très cool, je vous le recommande. Alors, premier commentaire de Cinévu qui a mis une étoile. Je vous lis le commentaire. Personne ne veut savoir. Le cadre, c'est l'Espagne profonde. L'image est désuète, édulcorée. Les personnages sont caricaturaux et l'intrigue est interminable. Je vous dis non. Ouais. Voilà. C'était très simple. Ah ouais, c'était ouais. Pour se mettre en jambe. Le film espagnol, évidemment, et l'indice de début. Personne ne veut savoir. Voilà. J'ai une question. C'est les films récents qui sont à l'affiche. Alors, justement, j'en répète. Actuellement à l'affiche ou d'il y a quelques mois, et il y en a un vraiment qui date d'il y a beaucoup plus longtemps. Okay. C'est pour voilà. Merci. Voilà. Je n'arrive pas à allumer mon téléphone, super. Je connais pas par cœur. Bah non, je ne connais pas. Allez, un commentaire de Stéphane Jaude. 5 bonnes minutes au début, 5 bonnes minutes à la fin. Le reste, c'est que de la masturbation intellectuelle pour les fans, que de blabla ennuyeux. Avenger. Non. Ready Player One. Non. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait croire. Que de blabla ennuyeux, pas d'action, que des références reloues. Les meilleures vannes sont recyclées du 1. C'est Ready Player One. Deadpool 2. Ok. C'est Ready Player One, on te confirme. Aussi, oui. C'est ça marche aussi. C'est pratique. C'est vrai que ça marche aussi pour Ready Player One. Allez, on se motive un petit peu la team. Vous appelez la team. Deadpool 2. Le mec veut pas être client. Il va se pavaner pendant une heure, faut qu'on. Alors, bon. Non, mais même pas. Alors, j'en ai un, mais je sais que vous allez pas le trouver. Donc, en fait. Génial. Peu importe ce que vous proposez, si jamais vous vous rapprochez, je vous donnerai peut-être des indices. Mais c'est juste un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Et ça, c'est le film qui date d'il y a... Non, pas celui-là, ouais. C'est pas celui-là. Je vous le dirai. Je vais vous lire mot pour mot ce qu'il y a écrit. Ça, c'est en ultra bon film avec plein d'action, des effets spéciaux, des bagarres, superbes scénarios. Avengers. J'irai l'achète en Blu-ray 4K de Adam Loris. Avengers. Et une seule étoile, ça? Oui, une seule étoile. Le gars, il a noté lui-même son orthographe. Voilà, c'est fait exprès. C'est pour dire que c'est un film débile. Et entre parenthèses, il avait donné des informations sur son accent. Non, il n'y en a aucun. D'accord. je pense qu'il avait un clavier QWERTY en fait. Sans doute, oui. Des accents. Ou peut-être qu'il t'aveugle. Ensuite, un commentaire de Jean S. Si vous voulez vous changer les idées des grèves, des manifestations, des conflits sociaux, de la CGT, du Sud Rail. En guerre. Bah en guerre. Alors on lève la main ou on lève pas la main? Alors vous levez la main. C'est la guerre, c'est le premier qui le dit. Bon, ça allez, c'est Tommy qui l'a, c'est le Tommy qui l'a. En guerre et t'as voilà. Même pas vu le film. En guerre. Vincent Lindon. Avec Vincent Lindon. Alors celui-là va faire un peu rire. Le commentaire est un peu plus long, mais je vais vous résumer ce qui est au strict nécessaire. Plus nul que King Kong, plus insipide que Godzilla. Rampage. Allez, les gars, merci. Mais on l'avait lu. Je termine le commentaire. L'acteur est à l'image de la bête, incohérent et stupide. Pas mal le. Voilà. Première et dernière fois que je vois un film avec ce Dwayne machin, je n'emmènerai même pas mes enfants pour un dimanche après. Oh, wow. Merci Alex. Oh, il est violent. Il a aimé. Un père de famille en plus. Oh, il est violent. Alors, à propos d'enfants, je fais une petite parenthèse. Du coup, il y a Solo qui est sorti aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu une femme passer avec une gamine qui devait avoir 4 ans pour l'emmener voir Solo. Ça passe. Et là, j'ai fait. Ça passe. Ça passe ? Ça passe. Ça, promis, tout ça passe. Passe. Tout passe. À part la mort. Comme dire la mort. Voilà. Sur le coup, j'ai fait. Mais. Non, ça passe, je te jure que ça passe. Moi-même, je suis plus jeune que ça pour Avengers et je peux le dire, c'est pas passé pour moi parce qu'il regardait Oggy et les cafards dans la salle. Oui, non, mais elle, la petite, je pense pas. Mais Bah, moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc ? Parce qu'en vrai, les Star Wars, ils passent, la première trilogie. Oui, ouais, c'est vrai. Ça va, quoi. C'est un univers fantasque un peu, quoi. Donc, mais là, ouais, ça passe. Tellement, à 4 ans, ils sont. Ah, 4 ans, c'est deux générations maintenant, ils sont déjà plus. Oh, puis c'est la cible, mine de rien, en fait. Ils ciblent 4-12 ans, ils y vont, les Happy Meal, les trucs comme ça. C'est vrai, c'est des petites 4 ans qui existent. Ok, je t'en rappelle, je suis présentateur cette fois-ci. Donc je peux couper ton micro aussi. Je te prêterai le mien. Je l'ai coupé aussi. Alors. Un commentaire de Pascal, vraiment l'ennui total avec un scénario insipide, bas de gamme, difficile d'admettre que. Soit acteur d'un film de si bas niveau. Non. Ah. Alors, indice, c'est un remake. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît ? Vraiment l'ennui total avec un scénario insipide, bas de gamme, difficile d'admettre qu'il bosse. Pardon. Deathwish ? Star Wars ? Deathwish. Remaster et un acteur qui. Ah. Mais si, il vaut ça, un Bruce Willis. Oui, je doute. Mais c'est les commentaires. Il vaut ça. C'est pas moi. Il vous bouffe, hein. En même temps, je vous dis, après, c'est un jeu, pas vraiment, hein, c'est plus pour rigoler. Hein, je vous le dis, sinon j'aurais fait plus compétitif avec d'autres choses. J'ai pas joué en mode compétitif. Mais après, tu vois, je me dis, c'est trois hommes, ils ont l'habitude de critiquer toujours. Alors là, fois, une étoile. Non, on très bien laisser gagner de temps en temps. Les invités, alors. C'est ça. C'est des invités, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Allez, prochaine. C'est ça, c'est parce que tu perds, tu dis ça. Prochaine critique. Viens tomber, Tom. Prochaine critique. Prochaine critique, peut-être. Allez, oui, vas-y. De NAV83. Alors, celui-là, je vais vous le lire, mais dans le désordre, parce que sinon, ça va vous donner trop d'indices trop rapidement. Film pour enfants, design qui m'a fait penser à Arthur et les Minimoys, sauf que les films de Besson étaient beaucoup mieux. C'est ça, on a du bien, ouais. Des frics, des effets spéciaux avec des avatars moches, le monde de oui-oui et des références culturelles niveau zéro à la limite. De résible et des répliques ridicules. Ready Player One. Les Minimoys, ils nous ont trigger en fait. Ouais, parce que là, Non, mais il y a des. C'est critique, l'héroïne. L'héroïne a un visage. C'est Arthur et les Minimoys. C'est vrai qu'ils sont beaucoup. Alors, celui-là. C'est pas vous qui avez fait le commentaire. Je vais plutôt le faire à la fin. Dès que vous avez entendu, je vois que vous êtes parti. Très certainement. Ou alors, il y a des gens qui vont voir CQLB et qui après mettent les commentaires. Qui mettent notre nom. Il faudrait voir avec les dates, les horaires, ça peut concorder. Alors. Vous l'avez dit dans votre émission. Un autre. Vu en avant-première au Grand Rex, une grosse daube, une insulte contre le cinéma, des blagues dignes de cours. Five. Bah oui. Five, elle a dit Five. Bon, je continue le commentaire. Taxi des blagues dignes de cours de récréation, des courses poursuites mal faites, un scénario nullissime, bonne retraite, Luc Besson. Ça, par contre, je veux pas le croire parce en prison. Figurez-vous que j'étais à l'UGC à Bercy. T'as été, ouais. Et je me dis, vas-y, je vais aller voir. C'était le film avec Daniel Brühl et tout, là, qui est la prise d'otage, j'ai oublié le nom. Otage à NDB, ça, je crois. Oui, mais c'est vrai. Je voulais voir ça. Je vois la séance m'arrangeait pas, l'horaire, tout ça. Et là, je vois Taxi, je fais, vas-y, allez c'est, au moins ce sera fait. Au moins ce sera fait. Je me pose. Et là, il y a qui rentre dans la salle ? Franck Gastambi, toute la team. Oui. Ils sont là, ouais, c'est nous et tout. Et nous, et applaudissez, on va faire rentrer quelqu'un d'autre en plus. Je me dis, c'est Luc, il est là et tout. Mmh. Ils applaudissent. Et là, c'est le mec de Gomorra ou je sais pas quoi qui rentre là. Ah oui, je vois l'italien. Voilà, le méchant de Taxi. Voilà. Et tout le monde était voilà, c'était un concert de Michael Jackson quoi. Le gars disait ouais, à chaque fois que j'écrivais un bout de scénario, je l'envoyais à Luc qui validait et il me le renvoyait. Ça, je l'ai pas cru. J'ai vu le film après, j'ai fait c'est impossible qu'il valide ça. Saucisson chocolat qui soit Luc Besson. Saucisson chocolat, ça veut dire que c'est bon, mais pas voilà. Ouais. Ça peut tourner mal. Ça peut tourner chocolat. Tu te poses en mangeant, je comprends. Alors bon, là je vais vous. Toi aussi, t'étais sur Valérie. Ah oui. Ah, toi aussi. Ouais. Ah oui, alors. Alors les deux se connaissent apparemment. On a mis sur Facebook d'ailleurs. Ouais, je me disais bien. Vous avez joué dans Valérian. Ouais, on a fait ça. Ah ouais, je m'en souviens. Moi j'ai bugué parce que je me suis dit non peut-être pas. Enfin bref. Ouais les gars, je vous invite, vous n'avez jamais été aussi proche de Luc Besson. C'est pas de plus hein. Ouais ouais. De toute façon, il vend Europa Corp alors. Ouais, peut-être Netflix, peut-être. Netflix du coup, c'est sûr. Ah d'accord. Tu as confirmé ? Et le grand bleu, allez. Punaise. Bon allez. J'étais choqué. Et que va devenir le cinéma de Roger ? Un petit peu au moins. Ouais, Léon et tout, c'est comme... non, mais c'est vraiment les derniers, voilà, genre Valérien et tout. Quand même. Angela. Après, il est devenu transporteur. Pour le transporteur, il est devenu producteur, c'est pas la même chose. Ouais. Allez, là, je vous. Alors, il y a un super banco, mais je vais le faire à toute fin. Là, celui-ci, c'est celui qui est le plus vieux. Il n'est pas du tout à l'affiche, il passe parfois à la télé. Je vous donne ces indices-là. Étonnant que. On lève la main rapidement. Voilà. Étonnant que cette histoire d'un extraterrestre qui débarque dans la vie de deux vieux paysans. Wow. Soit... Ouais. Paul ? Non. Superman. C'est un soupe au chou. Ouais. Il l'a ! Évidemment. Oui. Just Lee. Voyons. Faudrait qu'on vienne plus souvent, hein, je pense. Ouais, non peut-être. Il l'a. La soupe au chou. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, la soupe au chou, c'est un running gag. Mais je suis sûr que même vous ne le savez pas. C'est un running gag que j'ai dans l'émission à chaque fois. À un moment donné, dans un quiz, j'évoque la soupe au chou, même quand ce n'est pas évident. Voilà. Allez, là, c'est le super banco. Ouais, là, c'est le super banco. Alors là, j'ai trois commentaires. Mais c'est plus pour le. Parce que j'ai trouvé des choses assez incroyables. Je regarde par lequel je vais commencer. Bon, il y en a un qui est pas trop évident. L'histoire est idiote. Le comportement de machin est inadapté, belliqueux, ne respecte rien. Ce héros n'est pas un modèle. Un autre commentaire. De Rougier M. Avec les livres. Dans cette. Ah, avec les livres de tel nom du film, c'était de belles histoires avec de beaux dessins. Le film casse tout, avec du rap, du parler banlieue, plus de magie, juste la société en perdition. Et un autre commentaire de Alexika. C'est un truc en ce moment, ou qui est encore. Qui est encore diffusé, et qui est là depuis longtemps. Black Panther. Non. Ah, c'est dire aussi. C'est tellement improbable, vous avez aucune idée. Alors je vais juste lui dire la fin. Déjà. La seule envie après ce film est de manger un bon civet de lapin. Que mes propos, que mes propos ne déplaisent aux végétariens et autres amateurs de yoga. Pierre Lapin. C'est Pierre Lapin. Ah oui. Tu vas nous suivre jusqu'à la fin du monde avec ce Pierre Lapin. Bah, personne l'a vu, mais. Non, mais je dis ça parce que la semaine dernière, Nous, alors, on a remarqué un truc ici, comme on fait le box-office toutes les semaines, on a remarqué un truc depuis au moins 5-6 semaines. Pierre Lapin était tout le temps dans le top 5. Tout le temps. C'est. Pierre Lapin. Et c'est un livre à la base, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est un livre à la base. Et pour enfants et tout. Oui, c'est ça. Mais voilà, j'ai tombé sur des commentaires très très goldés. Je devais les prendre les trois. Un best-seller. Voilà, on a fini avec ce micro-jeu. On va pouvoir passer au film de la semaine. On va commencer par un truc qu'on va faire très rapidement, comme ça on va pas chez aux choses sérieuses. Deadpool 2. Combien de personnes l'ont vu ici déjà ? 23. 3, ok, Allez, Tommy, vas-y, ça t'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie. Franchement, c'est. Je sais pas quoi. Ok, super, dire. Merci Tommy. Non, mais c'est un peu fait chier dans le film. Ok. C'est un peu. La même chose que le premier, mais t'en ressors quoi par rapport au premier, le premier qui avait vaguement cassé certains codes, etc. Le premier déjà, je trouvais qu'il était un peu trop surcoté. D'accord, ouais, ok. Il était pas nul, mais pas aussi ouf que les gens ils étaient en mode ouais, trop bien ce film. Il était fauché quoi en fait, il arrivait à faire certaines choses par rapport au petit budget qu'il avait quoi. Ça allait, ils ont fait des trucs, ils ont osé des choses, donc ça ok. Mais je sais pas, le 2, je me suis un peu ennuyé devant. Il y a des petits trucs sympas, toujours des petites blagues, ouais, mais. Il y a des petites fulgurances, quoi. Il y a des petits trucs comme ça, des mais. Et après, ouais. Alors, moi aussi, je l'ai vu d'ailleurs, et effectivement, j'en avais parlé une fois sur un stream de Sofiane, que moi, ce que j'en ai retiré personnellement, c'était quelque chose de vraiment très oubliable, en fait. À l'instant où vous l'avez vu, on a rigolé. C'est un peu comme une bonne blague avec une petite discussion avec un gars. C'est sympa, mais on te demande de me réciter la blague qu'il t'a fait il y a 2 heures, c'est incapable de le faire. Exactement. Estelle, toi, t'en as pensé quoi ? Alors, j'avais adoré premier. Ouais. Là, je suis très déçue. Je trouve que c'est pas fluide du tout. C'est très saccadé. Il y a des musiques qui arrivent comme ça, alors qu'elles sont pas introduites. On se dit, ah, ça y est, c'est la scène d'action. Il va casser le quatrième mur. Allez, on met une musique qui n'a pas forcément un rapport avec l'action en soi. Bon, il y a des petits jeux de mots avec les paroles, des fois, sur certaines musiques, mais bon, sans plus. Le scénario, je suis pas fan. Surprise, alors je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, il y a eu des surprises, j'ai fait yes, et en fait ce n'est pas approfondi plus que ça, et là je suis déçue parce que c'est un univers que j'adore, et puis voilà, et sinon là où j'ai aimé le film c'est les deux scènes post-générique. D'accord. Où, là, j'ai bien aimé, mais c'est. Je les ai déjà oubliés, moi. Ah oui, déjà. Oh ah non, là, je peux pas les oublier. Je suis en train de bugger, tu me redis, j'ai bugué. Non, non, j'ai regardé. Mais c'est normal que tu les aies oubliés parce qu'elles étaient noyées, en fait, dans des vannes quatrième mur tout le long du film. Ouais, ouais. Oui. Et ouais. Surtout dans les comics, Deadpool, il enlève très rarement son masque. C'est vrai, c'est très rare. En fait, ils ont dû tellement galérer, tellement ils l'enlèvent jamais qu'en fait ils ont mis les expressions faciales sur son masque directement. Mmh. Du coup, ça le rend un peu mascotte de Marvel. Et voilà, dès qu'on le voit, c'est un peu un perso comme. Je sais pas, on verrait Mickey ou fait des conneries ou des gags et voilà, ou Bibi Pelcoyote. Ou moi j'aime bien dire Bugs Bunny ou des trucs comme aussi, ça. C'est un autre truc, je trouve, ils font beaucoup de recyclage. Ouais. Ils ont fait plein de blagues similaires au premier. Par exemple, dans le premier, il y a la main là. Il y a des blagues vraiment de mauvais goût, comme une blague. Running gag un peu là. Il y a une blague sur le box-office, à un moment il dit Amérique, voilà, comme c'est des croyants, le film pour les croyants était placé au-dessus de moi, mais j'ai quand même fait un bon score. Voilà, les vannes sur DC, c'est trop méta en fait. Ouais. Ça te fait trop sortir du film en fait. Voilà. Alors, juste pour la fiche technique, Deadpool 2 a été réalisé par David Leitch, qui était l'un des co-réalisateurs de John Wick 1. Qui était d'ailleurs à la base c'était un coordinateur de cascade d'ailleurs, et il a été coécrit par Ryan Reynolds et aussi Dustin Hoffman. Mais juste moi un truc que Estelle a évoqué et que toi aussi t'as évoqué, moi quand je réfléchis à ce scénario, en fait pour moi la quête du personnage c'est chercher un scénario pour son film. En fait il cherche une quête, il cherche un truc à faire parce que finalement il a plus rien à faire, et il remplit le film avec justement des running gags ou des blagues précédentes, etc. C'est... et en fait alors aussi je sais pas si on en a pas parlé, mais il y a aussi Josh Brolin qui joue un mois après avoir joué Thanos, il joue Cable, un personnage de comics typique des années 90, genre d'ailleurs, Terminator. Il y a encore bof. Une blague là-dessus, enfin, ouais, dire, Cable qui n'a aucun sens d'ailleurs, aucun parce qu'en fait s'il est là dans les comics c'est parce qu'il c'est un mutant, ouais. Et qu'il a des pouvoirs là aussi, il est censé être un mutant en fait, hein. Ouais, mais c'est quoi ses pouvoirs, en fait c'est les moments où il est censé rattraper, enfin il y a des moments où son flingue lui revient à lui, c'est des petits éléments, c'est son pouvoir, ça c'est son arme, ça c'est pas son pouvoir en fait, normalement il a détruit, il a détruit d'où, en fait Cable dans les comics, Cable c'est le fils de Jean Grey et de Cyclope, du clone de Jean Grey, ouais, mais normalement il a vraiment des pouvoirs, il est vraiment balèze, il est ouf là, et c'est tout le sel. Mais en blague justement, je suis sur le fait que là il fait 1m70 alors qu'il est censé faire 2015 dans le comics, quoi. Mais là on dirait un mec qui sort d'Expandable en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait il a pas beaucoup à jouer par rapport à Thanos, c'est ça qui est paradoxal. Là il est là de chair et d'os, mais il a moins de choses à jouer que Thanos. Thanos il est pfff. C'était ouf. Ouais, c'était quand même une grosse performance. Mais Josh Brolin, il est là en fait, il a l'air de s'en foutre. Ouais, en fait, il fait ça pour ses enfants. Je sais même pas. Il profite, hein, parce que là, il a 50 ans, on lui a permis de faire un régime musculaire de fou. Donc, il dit ok, pourquoi pas. Après, Mais c'est vrai que les blagues nous font sortir du film. Parce que c'est des blagues extérieures en fait. Ça fait pas partie de l'histoire ou du film ou forcément des personnages. C'est non, regardez dans la vie réelle, c'est comme ça. Alors, du coup. T'es projeté, alors au début c'est signé Deadpool, bon tu te dis après Deadpool est comme ça, oui, mais là c'est pas mal, ça revient au moins 5 ou 6 fois là, dans c'est le film, trop. Mais Deadpool est comme ça et justement je pense que Ryan Reynolds il en a pris conscience très très très vite en incorporant les personnages de X-Force dedans et en annonçant dans les interviews qu'il y aurait certainement pas de troisième Deadpool, parce que c'est une franchise, en fait c'est pour ça, ce film il a été fait comme si c'était une franchise vraiment cool à la Gardien de la Galaxie, alors que Deadpool c'est vraiment quelque chose qui est cool en one shot en fait, ou mélanger quelque part, et justement c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire un deuxième pour introduire X-Force, etc. Mélanger, ouais. Mais je pense que c'est une très bonne idée justement de pas faire de troisième, et que justement le prochain peut-être pas la Fox et annule tout X-Force avec justement Domino qui est joué par Zazie Beetz qui joue dans Atlanta. Ça va pas aller. Ouais, moi je suis d'accord, ça va pas aller. Par contre Deadpool 2, il y a un petit truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des caméos de malades mentaux. Ouais. Oui, vraiment, de malades mentaux. Vas-y, j'avais jamais vu ça dans le cinéma, des caméos de ce niveau-là. Ouais, fantômes. De fantômes. Le fantôme. J'ai choqué. Mais il était pas mal le caméo de Stan Lee dans le premier film, dans le Street Club. C'est un caméo attendu. Ouais lui on l'attend. Là vraiment c'est chaud. Ouais, là c'était vraiment très très choquant, dans le genre improbable. Je suis d'accord avec lui, genre mais attends. J'étais choqué, on se regardait avec mon pote, on se dit mais c'était lui vraiment. Ouais, bref. Enfin bon Deadpool, vous aurez compris, c'est moyen. C'est un cheat quoi, c'est ça fait un peu plus frais, mais c'est on s'en fout. Prochain film du coup, on va parler de L'homme qui tue Don Quichotte. Oui. Je vois le visage premier de Sofiane. Vas-y, je t'en prie, Estelle, vas-y. Qui l'a vu autour de cette table? Deux, je crois. Alors, juste pour l'info, L'homme qui tue Don Quichotte, film de Terry Gilliam, c'est une Arlésienne, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Plus maintenant, du coup. Mais ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il essaie de le faire. Il a changé énormément d'acteurs, Jean Rochefort, qui. Et il devait y avoir. Même plus, parce que c'est 1980. Ouais, je trouve que c'est super dur. 27 ans. Ah oui, du coup, ouais, vache. Devait y avoir Jean Rochefort dans le rôle de Don Quichotte et Johnny Depp aussi pour le rôle qu'a pris finalement Adam Driver, pour vous dire à quel point le temps a passé vite. Et finalement, il a réussi à le faire. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Bon, l'histoire, c'est un réalisateur prometteur à qui on lui propose et qui va faire, enfin, qui est censé faire l'adaptation des aventures de Don Quichotte. J'ai été surprise. Je connais pas très très peu le travail de Terry Gilliam, donc je m'attendais à toutes les idées préconçues que j'avais en tête, donc de l'humour très décalé, de choses qu'on prend pas forcément, ou des actions ou des personnages qui sont là à une époque alors qu'ils sont pas censés être là. Enfin, bon voilà, ouais, c'était les idées aussi du bouquin de Cervantes, hein, de Don Quichotte, qui est un gars qui vit dans le passé en fait dans sa tête. Mais j'ai pas lu. Donc, En fait, l'histoire de Don Quichotte, c'est un gars qui combat des visions qu'il a en fait et qui est, ça se passe, je crois que c'est pendant la Renaissance. Et ça, il a en fait, lui, il a une nostalgie de son passé, du passé de sa famille qui sont des chevaliers en fait, qui est depuis des siècles et voilà, donc il enfile l'armure de ses ancêtres et il court en fait dans la Mancha, justement la région, une région désertique assez d'Espagne. C'est un peu le Hollywood européen, ça, c'est là où sont tournés tous les western spaghetti, où a été tourné Conan de, enfin avec Arnold Schwarzenegger, etc. Tous ces films un peu désertiques mais qui sont pas aux États-Unis. Et il s'avère que là, oui, c'est ça, hein, ça joue là-dessus, sur le décalage d'un Don Quichotte qui se croit, en fait, c'est pas lui, mais il croit que c'est lui. Et, c'est une réadaptation un peu méta, c'est intéressant. Voilà, c'est ça, mais le problème vraiment du film, c'est Jonathan Pryce. Pour moi, c'est lui qui joue Don Quichotte. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, c'est... C'est Jonathan Pryce et Adam Driver. Vous êtes sûr? Le vieux, bon, c'est pas grave, on a compris. Désolé. Jonathan Pryce qui jouait le mec dans Game of Thrones, le The High Sparrow, le grand moineau. Ouais, je crois que c'est ça. Et qui joue aussi dans Brazil, qui est un film de Terry Gilliam. Ouais, sauf que dans Brazil, c'est un univers très, très. Pas claustrophobe, mais c'est une dystopie, hein, ouais, clairement. C'est pas joyeux. Et Jonathan Pryce, dans ce registre, il est très bon. En revanche, dans j'allais dire Lost in La Mancha, mais c'est pas ça. C'est quand dans L'homme qui tue à Don Quichotte, il est dans le registre comique et que ça va pas en fait. Il y a que Terry Gilliam qui croit que Jonathan Pryce est marrant. Alors que Adam Driver fait des pieds et des mains vraiment pour jouer le. En fait, c'est un peu un stéréotype. Moi, il m'a beaucoup fait penser à Guillaume. Ouais, parce que là, donc, t'es un stéréotype. Non, parce qu'il lui ressemble, le stéréotype de l'artiste un peu avec des cheveux longs et tout, qui vient se ressourcer, parce que c'est ça, hein, il revient en Espagne parce qu'il a fait il a fait une vidéo de quand il était jeune en Espagne, une espèce de film, et du coup, il veut retrouver un peu ses racines là-dedans, et il va rencontrer plein de personnages un peu fantasques. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre film de Terry Gilliam qui est Les Aventures du Baron de Munchausen. Qui est un film tiré aussi d'un bouquin, un classique de la littérature germanique. Ouais, il a une filmo quand même, c'était Il a une filmo, mais beaucoup d'adaptations. Hein. Ouais. Et qui est un peu dans ce délire-là, c'est un peu un conte à la Candide, un conte philosophique en fait. Et où le héros va chercher bonheur, comme dirait Chico. Je sais plus, je suis en roue libre. Voilà, il va un peu chercher son destin ou alors une manière de se retrouver identitairement parlant dans ses œuvres et un peu à droite à gauche. Tu veux rajouter un truc, Estelle? Oui, alors moi j'ai adoré la performance de Jonathan Pryce. Par contre, pour moi, c'est pas une comédie. J'ai rigolé trois fois dans le film, mais c'est pas. Je l'ai pas du tout ressenti en tout cas. Comédie dramatique. T'as rigolé toi comme une... Ouais, bah oui. Ouais, j'ai rigolé pour dès que Adam Driver il fait l'accent espagnol, c'est hilarant. Oui, voilà. Oui. Voilà, ou même Olga Kurylenko là, qui en fait c'est pimpé, on dirait. Elle est revenue là, elle parle espagnol, elle parle c'est vrai. Elle parle français, elle parle donc ukrainien vu qu'elle est ukrainienne, elle parle anglais. Ouais. Vraiment, c'est une multitâche. Oui, on a parlé il y a une semaine ou deux, je sais plus si t'étais là. Elle est très forte. Ouais. Et là, elle est très bien dans le truc. Après, il y a des choix d'acteurs. On dirait qu'il a pris le moins pire, en fait. Jonathan Pryce, c'est un peu un choix de voilà, j'avais pas le mec qu'il me fallait, donc je prends lui. Et Adam Driver, c'est pareil, même s'il est très en vogue. Et il y a aussi Stellan Sarsgaard. Oui. C'est ça? Qui joue le mari de Olga Kurylenko dedans et qui est aussi un personnage fantasme. Donc en fait, t'as pas vraiment de point d'accroche. D'accord. T'arrives pas à t'agripper au film. Moi, je trouve que c'est un vrai problème. Mais en même temps, vu comment ça part dans le film, ça part tellement dans la folie oui. que Enfin, pour moi, dans la folie, t'as pas de, de point d'accroche, donc ça va pas. Mais il est cool quand même. Mais par contre, je l'ai pas du tout ressenti comme une comédie. Il est pas désagréable. D'accord. Okay. Mais ouais, c'est Lost in La Mancha. Lost j'ai vu qu'il le... durait 2h10. Ça, ça va, ça passe tout seul ? Non, quand même, il y a des longueurs. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est déjà très cool. Ensuite, bah tiens, Léa. T'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que t'as vu un film dont t'as envie d'en parler? Bah, pas moi, forcément qui est sorti tout de suite. Là, mais... J'ai vu bah, Plaire, ah, aimer oui, et courir. Plaire, aimer et courir, oui. Voilà. Je t'en prie. Et donc, c'est Christophe Honoré. Oui, Christian ça, ou Christophe? Christophe. Christophe, Christophe, hein. Christophe Honoré. Et non, j'ai bien aimé. J'avais rien de. Enfin, en allant le voir, j'avais pas d'a priori ou quoi. Je suis allée comme ça. Et non, c'était pas mal. Enfin, c'est une histoire, je crois que c'est la vie du réel. De ce que j'ai compris. Enfin, c'est inspiré de sa vie. Mmh. Et non, c'est assez fort comme film parce que ça a été comparé à 120 battements par minute. Oui, j'ai vu ça. C'est ouais. pas la même chose. Mais ah, je trouve ça ridicule parce ouais, que c'est ça, ok, il ouais. y a une histoire d'amour entre deux hommes, il y a un fond de sida forcément, mais donc ça on fait une comparaison tout de suite. C'est vraiment, c'est pas du tout, du tout les mêmes j'ai films. J'ai vu ça quand je devais faire mon quiz justement, je suis passé justement par sur ce, par sur film là, sur sa fiche, et j'ai checké les notes première étoile, et c'était très souvent des gens qui étaient à côté de la plaque complètement. Ouais, mais c'est ça, parce que ça a vraiment aucun rapport avec 120 battements quoi. Et non, c'est un bon film. Franchement, c'est un bon film. Il y a des scènes. Lacoste qui du coup continue sa carrière. Ouais, bah après Vincent Lacoste, moi je l'aime pas trop. Je suis pas objective. Là, il commence à avoir des rôles un peu plus où il est un adulte. Mais il commence à être un peu plus adulte. Même si Il marche, enfin, il commence à avoir plus même si plus en, rôle, mais... en paradoxalement, là, il y a eu une bande-annonce qui est sortie il y a de ça deux jours de première année avec William Blake Bill. Avec William Blake Bill, où justement il joue encore un étudiant en première année de médecine. Et c'est par le même réalisateur qui a fait Hippocrate avec Vincent Lacoste. Donc peut-être que c'est l'après-quel, on ne sait pas, le début d'un univers partagé. Mais l'autre acteur, l'autre acteur du film, donc Vincent Lacoste, celui, l'autre acteur principal, je ne sais plus son nom. Ouais, il a un nom très de l'âtre, quelque ouais, chose. Ouais, et bah, lui, je ne le connaissais pas. Et très, bien. Très très bon acteur, genre. Et qui, enfin. C'est De la Donchamp. De la Donchamp, voilà. Merci, merci. Franchement, c'était la bonne surprise à mon avis. Le film, il est vraiment bien. Il est bon et. Non, il est touchant. Il est touchant et il est dépressif un peu. Et c'est normal parce que ça parle. En plus, ça se passe dans les années 90, fidèlement reproduite. Hein, les années. Ouais. Franchement, j'ai été bluffé. Les costumes, trop tout, Polydès. Ouais, il est marrant. Il y a des personnages vraiment très drôles. Mais pas larmoyant. Moi, on en a parlé la semaine dernière. C'est dépressif. Un peu mélancolique quand même. Enfin, pas tout le temps. Mais c'est pas. Voilà. C'est pas larmoyant. C'est pas. On fait ça pour que tout le monde pleure. Il y a des scènes plus faibles. Il y en a une des scènes qui m'a vraiment sorti du film où dès qu'il est au téléphone en fait avec lui, vu que voilà c'est les années 90, donc il y a des scènes entières avec des téléphones à fil, enfin tu sais, en mode tu le prends dans ta chambre. Je trouvais ça un peu artificiel, tu vois, dans le sens voilà, on est dans les années 90, regardez, on y est les gars. Ouais, ça sort du récit pour te montrer, regarde, ça se passe dans ce moment-là, surtout, ce récit. Surtout que t'aurais pu faire un truc poétique. Avec amour homosexuel et tout, hein. Tu peux faire un truc très poétique à partir de ça, mais ils n'ont pas trop réussi à faire ça. Oui, mais après, il y en a un qui habite à Paris, l'autre qui habite à Rennes. Ouais. À l'époque, Internet, c'était pas non, plus non, mais que ça. Non, mais il n'y avait pas, pas le téléphone ou les lettres. En 80, c'est pour ça, de toute façon. Ouais. Et ouais, il y a une fameuse scène où en fait, le gars lui fait, apparemment, moi je ne savais pas, dans la culture homosexuelle, il y a des stéréotypes aussi. De voilà, tel homo est comme ça, tel voilà. Les bières, les... Voilà, des choses comme ça, ouais. Voilà, truc que je ne connaissais pas du tout, j'ai appris là-dedans et en fait, il s'avère que c'est vraiment mal écrit, je trouve, ce passage. D'accord. Alors que ça aurait pu être un truc. Quand il est au téléphone, ouais, moi aussi, j'ai pas trop suivi, j'ai un peu lâché. Tu décroches, quoi. Parce qu'en plus, ils te font des références et c'est surtout, selon tel Mark Twain, un truc. Oui, c'est chiant, voilà. Ça aurait duré pas longtemps, mais là, vraiment, ça fait une bonne scène, quoi. Et pourtant, il y a un bon truc au moment où tu le vois, il est dans sa chambre, et tu sais, après, voilà, ça peut être bien. Visuellement, c'est assez. Ça flatte l'œil. En revanche, dans l'écriture, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est vrai que ce passage, il est pas. C'est le seul passage vraiment que ça va pas. Mais c'était vraiment, je trouve qu'il avait vraiment un truc. Je vais encore oublier son nom. De la Donchamp. Voilà. lui, ouais, vraiment. Belle performance. Enfin, je l'ai trouvé vachement bien. Enfin, je le connaissais pas. Vous pensez à une nomination au César, vous? Possiblement. Pourquoi pas? Il a déjà été au César, Christophe Honoré, je crois pas. Je pense pas, non. T'as vu d'autres films de Christophe Honoré? C'est lui qui a, je sais pas si c'est lui qui avait fait La Belle Personne. Je crois que si, c'est lui. Ouais, il a fait ma fille, tu n'iras pas danser. Il a fait Dans Paris. Bien. Il a fait Chanson d'amour. Ah oui, Chanson d'amour, je l'avais vu. Il a fait un autre. Oh, je sais plus. Dans Paris, qui était pas si mal. Dans Paris, avec Louis Garrel et Romain Duris, qui était vraiment cool. Et Guy Marchand, qui joue un père complètement à l'ouest. Même cool. La Belle Personne, j'avais bien aimé. Bon, c'est pas du tout le même. Ouais. Non, et le film, il vaut le coup vraiment d'y aller. Moi, j'y suis allé notamment parce que j'ai un ami qui regardait les interviews du Festival de Cannes et qui m'a dit regarde l'interview avec un tel, avec Vincent Lacoste et Christophe Honoré. J'ai regardé, c'était, ça avait l'air d'être un film très personnel. Et c'est à juste titre parce que c'est un peu une biographie, une autobiographie quoi. Parce que le gars vient de Rennes et tu sais, Christophe Honoré est breton, il me semble. Donc voilà, il se projetait un petit peu dans son film, mais les films personnels comme ça, je trouve c'est important, surtout sur ce sujet. Quoi. Non, il est bien, il a beaucoup de pudeur, enfin, il est pas non plus trop. Ouais, non, c'est un bon film. Formidable. C'est un très très bon film d'ailleurs, Pleurer mais quoi, vite. Formidable. Ah, tu l'as vu aussi ? Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai vu quelques rues. Et d'ailleurs, par rapport à ce film et par rapport à d'autres choses dans cette émission, Ismaël, je crois qu'il faut que tu sortes du studio actuellement et que tu ouvres la porte. Il y a quelqu'un pour toi derrière. Qui t'attend. Donc c'est voilà, le rideau, là. C'est vraiment le moment d'accueil en direct de quelqu'un. Et voilà la grande surprise, le chef de cette émission, Jérémy Gressier, qui arrive en live, en direct. Ce qu'on appelle un contre-putsch. Oui, David. Oh, non, je t'en prie, Jérémy, viens. Personne ne veut venir prendre une place. Voilà, il y a Jérémy qui a un autre petit micro. Oui, bonsoir, Jérémy, merci d'être venu. Je viens vraiment en tant que spectateur parce que normalement je devais pas venir. Oui. Et puis la vie fait que je suis là. Mais t'as l'air content de nouveau. Je veux voir Ismaël à l'œuvre. Ah, super, la pression. Je te regarde. Ça se passait très bien. Et d'un coup, je vais me mettre à bafouiller, à dire des choses qui ont ni qu'une idée, des propos horribles. Bref. Mais non. Du coup, ok, bon, on a fini pour plaire, aimer et courir, c'est ça ? Et courir vite, ouais. Oh là là, ça commence bien. J'ai commencé très très bien. Dis-moi, Guillaume, ça te dirait de nous parler de Big Sick, qui n'est pas sorti en France, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais il est disponible sur Amazon Prime. Oui, mais il n'est pas sorti dans les salles cinéma. Mais en général, les gens, ils savent, il faut le dire aux gens quand même. Ouais. Si vous avez un abonnement Amazon Premium, vous avez Amazon Prime Now. Et Prime Vidéo. Et ça c'est beau. Mais non, mais la plupart, je la prends aux gens la plupart du temps. Ils me disent ah mais moi j'ai un Amazon Premium. En plus j'ai dit et ça c'est beau. En plus faut en profiter parce que du coup vous avez accès à quoi? Vous avez accès à Jean-Claude Van Johnson avec Jean-Claude Van Damme, même s'il n'y a qu'une seule saison. Et ça. Mais surtout aux deux meilleurs sitcoms qui ont jamais existé. Mon oncle Charlie et Seinfeld. Ouais. Ah oui, Seinfeld. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je me mette à Seinfeld. Mets-toi bien. Alors du coup, Big Sick, du coup, vas-y, je t'en prie. Ouais, Big Sick, alors qu'il y a un film que j'ai dû regarder parce que j'étais persuadé que c'était un film de Kumail Nanjiani. Ouais, qu'on connaît notamment, qui joue dans la série Silicon Valley. Le Pakistanais de la série Silicon Valley. Et qui est en fait une comédie romantique sur un peu tout ce qui est l'opposition des cultures dans une relation, justement, en fait. Je crois savoir que c'est un peu inspiré de sa vie personnelle. Ça a été écrit par lui et c'est inspiré totalement de sa vie. Okay. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune Pakistanais qui essaye de percer dans le stand-up. Et un soir, il rencontre une fille. Puis au fur et à mesure, après, il y a tous les codes de la comédie romantique. Donc au fur et à mesure, ils vont finir par... Au début, ils vont se détester, après, ils vont finir ensemble. Classique de la comédie romantique, ouais. Et en fait, ça parle vachement de justement du problème que je sais plus comment il s'appelle, Kuman ou un truc comme ça, il a avec sa famille, des problèmes qu'il a avec sa famille de justement faire accepter le fait qu'il, lui, il a envie de sortir avec une blanche. Et en fait, il te montre un peu que sa famille est pratiquante, que lui ne l'est pas. Qui ne l'est plus, ou je sais pas si. En tout cas, on le voit à un moment descendre dans le garage, poser son tapis pour faire la prière, mettre le minuteur et juste faire autre chose, en fait. Et en fait, il ment à sa famille qui, elle, est vachement. Comment dire ? Pratiquante et qui essaye de. Tout le temps, sa mère, elle essaye tout le temps de lui foutre des blind dates et des trucs comme ça. Ouais. Et donc du coup ça parle comme ça de sa face, de lui, comment il va essayer de mentir à sa famille tout en sortant avec cette fille. Et à côté, en fait, il y a une espèce d'histoire autour de parce que cette fille là va tomber malade aussi, d'où le titre de Big Sick, et en fait avoir une espèce d'infection pulmonaire. D'accord. Et il va devoir justement à ce moment là rencontrer ses parents et par ce biais-là rencontrer les parents de sa chérie et puis essayer de trouver une solution. Moi j'ai envie de te poser une question par rapport aux comédies romantiques de ce type-là. Deux questions. Est-ce que ça passe tout seul? Est-ce que tu te fais chier à quelques moments? Moi, je me suis, je me suis endormi. Ah, ok. Je me suis endormi. Ouais. Parce que, en fait, le début est vraiment super drôle. Il y a des moments drôles. Mm. C'est plutôt bien écrit. L'histoire, en tout cas, l'histoire d'amour, elle est vraiment. Tu la ressens. Et, Ah oui, c'est ça qui est important dans les comédies romantiques. C'est justement tomber amoureux, justement. Exactement. Tu dois tomber amoureux de. Bah, quand t'es un mec, de la fille, et quand t'es un garçon, une fille, ou peu importe. Ou peu importe. On peut tomber amoureux des deux aussi. On peut tomber amoureux des parents aussi. Moi, j'avais peur en fait que ce soit un peu le cliché de ouais, en fait, les blancs c'est des racistes et ils veulent pas que leur fils sorte. Et en fait, c'est le contraire. En fait, tu te rends compte que quand ils rencontrent ses parents, les parents de la fille s'en foutent que le mec soit pakistanais en fait. Le moment en fait où ça part sur la maladie. Ça devient beaucoup moins intéressant en fait. D'accord. Moins drôle. C'est même pas moins drôle, c'est que c'est juste moins vrai en fait. Enfin, tu vois, t'as déjà le truc de la culture, du choc des cultures. Il n'y a pas besoin de rajouter une maladie en fait par-dessus. C'est un millefeuille un peu compliqué. Mais quoi. Dès que le mec a le coup de fil. Elle est malade et tout, elle est aux urgences. Je fais, ah putain. J'ai m'endormi. Ouais. Tu vois, au début, tu dis, elle a un gros rhume et tout. Je fais, non, je le sens mal. Ok. D'accord. Moi, pour le coup, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et apparemment, je crois qu'il a cartonné aux États-Unis. C'est vraiment presque au niveau de Get Out aux États-Unis. Vraiment, aux États-Unis seulement. Parce qu'il n'est pas sorti en France. Produit par Amazon Studio. Voilà. Du coup, j'ai voulu le regarder, mais comme il n'était pas encore disponible sur Amazon, et que je n'avais pas d'abonnement premium à Amazon, j'ai essayé de trouver des liens. Et j'ai trouvé qu'un lien québécois, ce qui m'a vite endormi. Vraiment, j'essaie de lui redonner sa chance prochainement. On verra. Bah, moi aussi, alors. Peut-être que si tu le regardes en version québécoise, là, ça va peut-être marcher. Peut-être, ouais. On ne sait pas. Ouais. Okay. Mais. C'est triste parce que vous êtes vraiment tombé dans une période où je regarde zéro film parce que j'ai vraiment pas le temps. Ouais. Et hier, je me suis forcé à regarder un film et j'étais crevé. J'apprécie. C'est cool, merci. C'est cool. Pire tradition du siècle. Dis-moi, Jérémy. Une remarque. Demandé à Yuna. J'allais lui demander. Okay. Dis-moi, Jérémy, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Tant mieux. Alors, Yuna, dis-moi. Non, mais tu sois pas venu pour rien, t'es quoi. Magnifique. Non, il est venu pour montrer son bronzage. Clairement, oui. Le gars est parti à Cannes, ça y est, sans plus. Est-ce que t'as vu un film dont t'as envie de parler? Oula, faudrait que je réfléchisse. Pas forcément récemment, du coup. Non, pas forcément récemment, très clairement. The Big Sick, qui date d'il y a vachement plus longtemps. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, hein. Sortie récente ou pas vu récemment? Sinon, j'aurais pu parler d'autre chose. Une autre fois. Tu nous embrouilles, hein. Je sais pas, là j'étais plus. Je m'intéressais plus aux séries récemment qu'aux films. Et du coup, film, ça fait assez un moment que j'ai pas vu de film. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré. C'est Jacques Pradel. Tu poses la question, c'est quoi ton film préféré? C'est comme les livres, t'oublies tout ce que t'as lu. Un film comme ça qui t'a influencé, tu vois, je peux t'en citer sans. Pour avoir ton profil cinématographique. Ok. Un réal, sinon. Alors j'aime beaucoup Godard. Une marque de chaussures. Non. Trifou. Vous posez trop de questions d'un coup. Une marque de chaussures. Pas la laisser. Pardon. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Récemment, j'ai découvert David Lynch. Je connaissais pas trop. Et parce que j'ai fait un devoir sur ce réalisateur. Et en fait, sans vraiment aimer son cinéma, je le respecte beaucoup parce qu'il a un truc totalement décalé qu'il assume, même si quelques personnes le critiquent récemment parce qu'ils disent qu'il est beaucoup plus commercial qu'avant. Il y a tout le temps le même univers qu'on retrouve dans son cinéma. C'est un profil artistique. Ouais. Et ça, pour le coup, je respecte et ça m'influence parce que je trouve que c'est assumer à ce point son art dans le cinéma, en fait, parce que finalement, beaucoup de films se ressemblent. Mais lui, quand on regarde ses films, il a son, son ADN. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a vraiment. On sait que c'est un film de David Lynch. Mm-hmm. Il a son adjectif aussi lynchien. On dit toujours. Ouais, lynchien, ouais, exactement. Carrément. C'est qu'il a rentré dans le langage cinématographique. Godard, l'image d'Épinal, quoi. Lynchien, ouais. Exactement. Ouais, ouais. C'est, par exemple, c'est quoi votre film de David Lynch qui vous a le plus marqué? Je sais pas qui l'a fait, non. Moi, Twin Peaks. Non, je sais que c'est Brian De Palma. Attends, excuse-moi. Tu veux dire Velvet? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un film qui est très accessible, je trouve, pour ceux qui ne sont pas très lynchiens. Oui, ouais. Ouais, grave. Et qui a une véritable histoire, il y a vraiment une intrigue intéressante. Et en plus, la fin est très. Bah, je veux dire, vraiment, c'est un peu un polar, c'est un peu un thriller, et assez poétique, et vraiment dans l'univers de David Lynch. Et qu'on comprend surtout, en fait. Surtout ça, ouais. Même l'histoire d'un drame. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça aussi. C'est le premier que j'ai en tête, ouais, Moulin Landry. Après, il y a aussi le tout dernier, Inland Empire, si je ne me trompe pas, où ça, vraiment, là, on part dans un autre monde. C'est spécial. D'accord. Oui, okay. Mais ne serait-ce que pour Twin Peaks. Et son premier, c'est pas genre Eraserhead aussi, un truc horrible. Eraserhead, oui. Ah oui, Eraserhead. J'ai entendu beaucoup parler, oui. Ah, il m'a mis mal. J'ai jamais vu, mais moi non plus. Faut pas le regarder en vrai. Ouais, on m'a dit, ouais, le regardez pas, c'est une torture. C'est comme Cannibal Holocaust, ces trucs. T'en entends parler, faut ça te suffit, ça. En fait. Ouais, voilà. En parlant de Twin Peaks, quelqu'un a vu la saison 3 ou pas? Ouais. Bonne suite ou moi, j'ai beaucoup. Il y a un décalage. Alors, qui a vu Parce que moi, je me souviens personnellement de. Ouais. Donc, c'est en deux saisons. Il y a la première intrigue qui dure saison 1 et la saison 2 avec qui a tué Pamela Rose. Palmer. Exactement. Pamela Rose. Ça, c'est notre version. Aussi. Mais et qui est une très bonne intrigue et je trouve que c'est la meilleure partie de la série. Et après, ça part dans un autre délire. Donc, un soap opéra même. Ah, ouais, c'est un soap opéra à la fin. Ouais. Devenu, mais pas désagréable. Non, je trouve jamais désagréable. Jamais désagréable. Le soap opéra by Lynch, moi, j'achète. La saison 3, tu l'as vu, Vium? J'ai jamais fini. Mais j'ai fini. Moi, ça m'a c'est le personnage de Doggy qui m'a vraiment dérangé. En fait, moi j'ai bien aimé. Ce que j'aime dans Twin Peaks, moi, c'est Dog. Et le fait que ce soit juste une espèce de gogol, ça m'a gêné vraiment. C'est pas vraiment un gogol. Hein. Non, mais tu sais, le fait qu'il soit. Enfin, je sais pas, ça m'a. En fait. Sinon, tout le reste de la série, j'ai adoré parce qu'ils ont gardé cette patte. En fait, tu peux regarder la saison 3 juste. Enfin, on aurait pu regarder la saison 3 juste après la saison 2. Les gens, ils auraient pas tilté, tu vois, parce qu'ils gardent les mêmes petits effets spéciaux un peu chelous. Tu sens qu'ils restent sur le même. C'était un challenge, enfin pas un challenge, mais c'était une promesse qu'avait fait David Lynch justement à la fin de la saison 2, comme quoi la troisième saison viendrait combien d'années après plus 20 tard ans. 20 ans. 20 ans, 20 ans plus tard. Comme dans la série, à la fin de la saison 2, il le dit. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, en soi, c'est. En fait, sa promesse. Elle était autant la série va revenir que la série va continuer comme si de rien n'était, mais avec un écart de 20 ans pour les acteurs. Ça me rappelle, alors c'est complètement hors sujet, mais complètement. Ça me rappelle Alexandre Astier avec Kaamelott qui veut faire les films genre longtemps après pour que les acteurs aient choisi. Il y a même un film qui a été tourné sur 10 ans. Ouais. Là. Oui, c'est Boyhood. De Richard Linklater. J'ai jamais su ce qu'il veut aller ce film. C'était assez film. Je l'ai au DVD, mais c'était pas non plus inoubliable. Ouais, voilà. C'était dur, c'est une expérience. C'est une expérience cinématographique. Après, il faut voir ses autres films, les Before notamment. Before Sunrise. Je pense avec David Lynch, c'est un excellent acteur aussi. Parce que dans Twin Peaks, il joue aussi. Alors, je le confonds peut-être, mais vous deux qui du coup connaissez. On va retourner dans la série encore, mais je crois qu'il a un rôle dans Louis, non? Dans une des saisons de Louis. Il doit préparer Louis C.K. à présenter un late show. Oui, voilà. Exactement. Et quand j'avais lu ça, j'avais pété un câble. Voilà. Oui, parce que je n'avais pas compris. Je ne m'attendais pas du tout à ce caméo, à ce qu'il joue ça ici, là, à ce moment-là. Mais Louis, c'était très lynchien, oui, justement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il est lynchien, du coup, même tout le monde. Ah, là, ça y est, on y va. Voilà, très et la saison 3 de Twin Peaks qui, selon David Lynch, se regarde comme un film aussi, qui est un long film en fait, très long film. Et parce que franchement, il y a des épisodes où si tu les isoles, imaginons que tu as regardé un épisode la semaine dernière, typiquement hein, dans le calendrier des séries, tout ça, et que tu regardes le nouvel épisode, je pense au 13, je crois, ou le 11, je sais moi plus. C'est le 8. Le 8, c'est la naissance de. Spoil. Voilà. Qui dit mieux le 7. Le 8, c'est super expérimental. Tu ne comprends rien. T'as pas personne qui parle. Si t'as pas regardé, genre, tu dis tiens, je vais reprendre et malheureusement, t'es au 8, t'es foutu. Ça pourrait mériter un super cut, en fait. En faire vraiment un. Cuter, en fait, le tout pour en faire un seul gros film, en fait. Comme Arrested Development. Mais il l'a fait, en fait. En fait, il l'a fait. Il l'a rendu cohérent avec le format série. Parce que je pense qu'il est assez pragmatique, David Lynch. Il sait qu'il n'aura pas une résonance. S'il veut vraiment faire ce qu'il a envie de faire, il doit s'adapter à la série Et là, il a fait un film série et ça marche, quoi. Bon, on va sortir un petit peu du monde de la série. On va replonger une dernière fois dans une galaxie très très lointaine, parce que je crois savoir que... Alors, la seule personne ici à avoir vu Solo, c'est toi, c'est Sofiane. Je sais pas, je vais pas demander aux autres. Personne d'autre l'a vu. Personne d'autre l'a vu. Solo. Faire semblant de l'avoir vu. J'ai vu Chewbacca sur le tabiron. Ah oui, tu l'as vu toi. Ah oui, tiens. Tiens, petit segment. C'était comment, Ken, maintenant que t'es là? Je t'ai appelé. Oui, je sais. Mais bon, voilà, pour les autres. C'est vrai. Non, c'était génial. Non, c'est un bon moment. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu prends 2-3 jours à comprendre le système de comment réussir à trouver une place dans un cinéma où où c'est complet. Mais après, oui, non. En fait, il y a un système quand même plutôt bien foutu. Et ce qui est génial, c'est que pour tous les passionnés, c'est assez accessible. Et puis au fur et à mesure, bah, tu comprends le système, les différentes sélections, comment réussir à rentrer dans une salle, etc. Machin, avec les invitations et tout ce qui suit. Mais non, c'est à faire. Franchement, c'est à faire et je pense que je vais le refaire l'année prochaine. Alors, je vous avoue que 10 jours, c'est un peu long parce que quand tu fais 2 films par jour, à un moment donné, ça te fait un marathon et t'en peux plus. Non, c'est vraiment intéressant. Et c'est génial. Et en plus, ce que j'aime bien aussi à Cannes, c'est qu'en hors compétition, ils sont très intelligents et ils savent très bien quoi mettre aussi comme film. Ils ont mis Han Solo, Don Quichotte. Ils savent que ça fait vendre avec Terry Gilliam, avec la franchise Star Wars, etc. Ah. Donc les gens viennent aussi pour ça. Oui. Excuse-moi, apparemment ils diffusent plus les films le soir là, parce qu'apparemment t'es obligé d'aller un peu faire la fête le soir, ou alors des gens se sont plaints. Non, il y a des séances de minuit toujours. Il y en a non, ouais, toujours. C'est pas minuit, la partie de l'année prochaine qui vont virer. Ça je sais pas. Je peux pas dire. Moi je sais que à partir de cette année. Ils ont arrêté les selfies sur les marques. Ouais, ça c'est mort. Ouais. Ouais, j'avais entendu un truc là-dessus, enfin après je sais pas si non, moi je me souviens juste d'accord. Du selfie, du gros clash avec Netflix, mais sinon ouais, c'est magnifique quoi, c'est-à-dire que Thierry Frémaux dit bon, on peut pas vous mettre en compétition mais on vous met dans un certain regard ou hors compétition, et puis Netflix disent a répondu non mais nous on va nulle part. Voilà, au moins c'est clair. Punaise. Donc on verra plus jamais un film Netflix. Ça aurait été bizarre dans certains. Ouais. À part aussi, parce qu'il y a aussi Cannes série. Série, ouais, Cannes série. Donc ça, je sais pas. Ah oui, c'est quelques années avant ça, je crois. Non hein, c'est un mois avant ça, Cannes. Ouais, exactement. C'était présenté par Kayan Koyanji. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait. Et les vidéos sont disponibles aussi sur internet, donc celui qui veut voir les cérémonies. Dommage, parce que Okja avait fait des. Oui, l'année dernière. Des vagues l'année dernière, ouais. Okja, je crois d'ailleurs. Il y avait un autre aussi. Il y avait aussi. Bright, non? Non, il y en avait un avec. Putain, merde. Une espèce de comédie familiale. Ah oui, avec Adam Driver ou Ben Stiller, tout ça, non? Ouais, voilà. Ah oui, Ben Stiller. Ouais. Le réalisateur de Française A, comment il s'appelle? Adam Sandler, Ben Stiller. Ouais, c'est le nouveau du Woody Allen. On dit qu'il fait tous les films un petit peu indé, style Woody Allen, mais 2018. Ouais, par contre. Vous voyez, on débrouille. Ok, très bien. Bah, du coup, tu veux toucher 2 mois à Solo. Nous, on va surtout en reparler la semaine prochaine, je pense. On va essayer de trouver un moment pour le voir tous ensemble en famille, en communion. Deux mots. Alors, du peu que j'ai vu pour le moment, il est sorti aujourd'hui, mais il était disponible en avant-première depuis déjà à Cannes depuis une semaine ou deux. Et quelque chose que j'avais dit à Estelle tout à l'heure hors antenne, que je trouvais ça curieux, que je me suis levé ce matin et que j'avais même pas remarqué qu'un Star Wars était sorti aujourd'hui. Et en disant ça, Arthur a réagi, alors qu'il travaillait dans son coin. Ah, un Star Wars est sorti aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est assez fou en fait. On voit qu'il y a une espèce de. Vite fait. Enfin. On sent pas un appui médiatique tel qu'a pu avoir les films Star Wars initialement. Mais ça, c'est la com, c'est de côté. Maintenant, le film, qu'est-ce qu'il vaut? Sachant que le film, il a changé de réalisateur, que le film a été retourné à 70%, que le méchant principal a été recasté pour être joué par Paul Bettany, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que ça vaut, ce film? Bah, franchement, Solo, là, j'en sors. Hein. J'ai été des Halles pour venir ici. Merci. Et le. Je t'en prie. Et c'est chef-d'œuvre en fait, hein. Vraiment. Ah ouais. Ouais. C'est, pour moi, c'est le meilleur. Spin-off Non, cinématographique. Alors pour moi, déjà, Star Wars, tout ce qu'il y a de bien dans Star Wars n'est pas dans les films. Tu vois, c'est dans l'univers étendu. Oh, voilà. Il t'a fait un très joli pouce, tout ce qui... Voilà. Night of the Old Republic, 1 et 2. Je suis d'accord avec toi parce que récemment, j'ai vu le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si. Il se passe rien. Il se passe rien. Cinématographiquement parlant. Après, l'histoire est géniale, machin. Tu rentres dans le monde. Mais tu dis, mais c'est pas si bien que ça. Ce que ça produit culturellement, c'est vachement plus intéressant que. Là, on te dit, c'est la guerre. Au début, il y a un carton. Pas trop de spoil, attention. Non, je spoil pas, vous inquiétez pas. On te dit, c'est la guerre, voilà, c'est la galère. Il y a un peu. C'est un peu Mad Max. Mais dans l'espace, c'est la galère dans l'espace, carburant, tout ça et tout. Et moi je me dis, mais on s'en fout du carburant, de toute façon ils volent vitesse lumière et tout. Bah non, c'est justifié dans le film, tout est justifié dans le film, tous les rôles servent à quelque chose, même les mini-rôles. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de dangereux. Les meufs en fait. Dans ce film, elles tuent, elles déchirent. D'habitude, franchement, c'est bien qu'ils en mettent, voilà, que, franchement, Ray à côté, mais c'est une vanne, c'est un pet fouf, comme dirait. Excusez-moi. Mais voilà, je veux dire, elle est zéro à côté de Emilia Clarke ou même au début, il y a Thandie Newton, voilà, je spoil pas, tout ça, qui est vraiment. Elle est là, première scène, première ligne de dialogue, c'est bon, tu vois. Tu voulais dire un truc, Tommy ? Bah, je sais pas si du coup c'est à voir avec le film, ouais. Mais j'ai vu que le prochain spin-off, c'est pas Obi-Wan finalement, c'est. Alors, c'est pas encore acté, ah, mais ils aimeraient bien le faire, je pense pas qu'ils vont le faire tout de suite après, c'est pas possible, mais ils voudraient faire un spin-off sur Lando, spécialement sur Lando. Avant Obi-Wan, normalement. Avant Obi-Wan, mais je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'en fait, apparemment, Obi-Wan, ils vont commencer le tournage dès l'été prochain. Mais du coup, ce que je voulais demander à partir de ça, c'est. Lando ? C'est parce que dans le film, il a. Lando déchire dans le film. Franchement, Lando. Je t'ai spoilé. Tu veux te boucher des oreilles ou sortir? Essaye de nous quitter. Non, mais tu savais qu'il jouait dans ce film. Non. Alors, pour ce genre de film, c'est vraiment. Tu veux pas? Je ne veux rien savoir. Je n'ai même pas vu la bande-annonce. T'as vu l'affiche quand même. Oui, mais je l'oublie en fait. J'ai fait travailler mon cerveau pour oublier certaines choses. Donc, merci. Mais c'est pas grave. Estelle se dirige vers la fenêtre. Faites attention. Donc, non, mais non, je veux le voir avant de mourir. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Juste, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien. Voilà, c'est même très bien. Ouais. La sauce, ce que je te disais tout à l'heure, la sauce Far West SF, ça marche? Oui, non, c'est intestable. Vraiment, c'est. Et grâce c'est exceptionnel. Non, mais grâce au. Vraiment, c'est grâce au casting. C'est gracieux, c'est voluptueux. Grâce c'est... au casting, dont Paul Bettany, d'ailleurs, qui fait la vision et qui fait là le méchant, son compte en banque par Disney, doit être à ras-bord. Mais Paul Bettany. Ce gars, c'est tellement le plus malin. Pendant 10 ans, il faisait juste des voix off pour Marvel, il prenait un paquet. Ah non, attends, il a fait des films. Hein, il en a fait avant, mais pendant 10 ans, il a été tranquille. Et Paul Bettany, il n'a jamais fait de rôle bête. Toujours dans ses films, dès qu'il est casté, c'est quelqu'un d'intelligent dans le film. Parce que le mec, il joue rarement futé. Un con, oui, c'est vrai. Jamais. Ouais. C'est le mari de Jennifer Connelly, et elle-même disait, ouais, mon mari, bon, il a une intelligence d'acting et tout. Jérémy, déjà, tu t'aimes beaucoup, mais il y a une exception, c'est Mordecai avec Johnny Depp, où il joue voilà. Mais tu as vu Master and Commander, voilà, dedans, il joue un homme d'exception. Un botaniste et tout, un homme d'exception, où c'est un, voilà, tu vois, on se spoil pas, mais voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, des recommandations peut-être, des choses que vous voudriez faire, dire, évoquer. Un coup de gueule, un coup de cœur, des trucs, j'en sais rien. Vivez, on est là, on est dans le moment. Moi, j'ai envie de voir le film du coup, alors que je Solo, j'attendais vas-y, pas. Vas-y, trop. Solo, vas-y. J'allais le voir parce que c'était un Star Wars, mais là du coup, branché. Quand je suis allé voir le film, quand je voyais les trucs, et j'en parlais même dans un épisode de notre podcast avec Guillaume, je disais, ah Solo, ça a l'air rincé tout ça. Parce que je me disais, les personnages, on s'en fout un peu en fait. Solo, Lando, bon, Chewbacca, on l'aime bien, mais voilà, il n'y a pas Leia, il n'y a pas de Jedi, on s'en foutait. Moi, je me disais, vas-y, je m'en fiche en fait de leur destinée. De toute façon, ils meurent à moitié à l'arrache, voilà, Lando, on ne le revoit plus. Et au final. Moi, j'ai très envie de le voir. Au final, c'est très bien. Au final, c'est très très bien. Ok, mais j'irai peut-être le voir du coup. C'est le meilleur Star Wars. On va le voir ensemble, de toute façon, t'as pas le choix. Voilà. On va le voir ensemble. Ah, par rapport à ce que tu dis, Jamy, oui, tu veux dire ? Non, j'allais dire encore, c'est tourné manège, mais c'est pas très grave. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce que tu dis, que ça explique pas mal de choses. Bah, c'est écrit par Kasdan quand même, c'est celui qui a écrit L'Empire contre-attaque et son fils. Mais en fait, c'est pas le risque justement qu'on enlève un peu la mythologie justement de d'où il vient, on t'explique trop de choses, etc. Bah justement, je spoile pas, mais en tout cas sur les origines story du truc, ça m'a pas fait la phase de Star Wars 8 qui m'a mis mal. Ah oui, alors ça, qui m'a mis mal à ce niveau-là. Ouais. Oui, c'est vrai que ça aurait été drôle qu'il soit là quand on parlait. Moi, j'aime bien connaître le passé des personnages. Non, mais c'est peut-être la défense. Il a 18 ans au début du film. Il est très jeune. C'est pas Harrison Ford, tu vois. Oui. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça que j'aime bien. C'est quand il y a un univers que j'apprécie, connaître le passé des personnages un peu plus secondaires ou qui ne sont pas forcément mis en avant. Après, il y a donc, des BD, tu sais, tout ça, tu vois. C'est l'univers étendu, oui. Star Wars, c'est vraiment quelque chose. Pas toujours du très bon, d'ailleurs. Pas toujours, mais il y a une anecdote que j'aime bien prendre, c'est qu'il y avait un comics en 4 volumes qui t'expliquait pourquoi est-ce que le pantalon d'Han Solo avait 3 couleurs. Ouais. Non, mais ça, c'est du fan comics, ça. Non, ça, non, c'est non, c'était du officiel. C'était l'ancien univers étendu. Légende, là. Ouais, Légende. Mais c'était à une époque où vraiment ils essayaient de gratter là-dessus, mais ils n'y arrivaient plus, quoi. C'est dommage, du coup. Je pense qu'ils y arrivaient quand même. Oui, avant, ils avaient prévu de faire Yoda à sa jeunesse, c'est dommage, t'aurais bien aimé, du coup. Bah Yoda. Tu aimes bien les persos quand ils sont voir leur jeunesse. Voilà. Oui. Yoda, il apparaît dans Knights of the Old Republic, Yoda. Ouais, mais il voulait le faire le film, mais finalement je crois que ça a été annulé, non? Mais Obi-Wan, ça devait pas être une trilogie aussi. Ou il doit être dedans. Non, dans, pas une trilogie. Ou je crois qu'il sera dans Obi-Wan. Il y a Msa Daron. J'avais entendu ça, Obi-Wan trilogie. Je pense que dans Obi-Wan on verra Yoda, je pense. Bon, pas jeune du coup, mais on verra. On verra, écoutez, bah, je sais pas, les amis. On verra. Ça a été... Toi qui as de l'argent. Ouais, c'est vrai. Bon, on a fini sur Han Solo. Oui. Ah, ok, bah, bon, je sais pas, je le repropose encore une fois. Vous avez dit vos derniers mots. C'est quoi les bails, hein. C'est quoi les bails, ouais. On va dire, refaites un petit peu votre promo, hein, comme ça, une dernière fois. Bah ouais. Parce que j'aime bien, vous êtes très calibré pour votre promo. C'est vrai que t'as appris la bio Twitter par cœur. Non, mais un vendredi sur deux, sur c'est quoi les bails, c'est QLB Podcast, le SoundCloud. Ouais. Sur Instagram, pour les illustrations, donc c'est qlb.podcast. Et sur Twitter, c'est qlb.podcast aussi, si vous voulez suivre un peu l'actualité. Un podcast qui parle de tout et de rien, essentiellement de rien. De tout. En fait, on essaye à chaque fois de... Et c'est vraiment le leitmotiv. La ligne de conduite, c'est de faire un truc où il y a moyen de rigoler et de ressortir en ayant appris des trucs pas débiles. Ouais, ça c'est beau. Oh, on va réfléchir. Mieux qu'à Han Solo, du coup on ira voir. Alors, forcément mieux qu'à Han Solo. On a la radio, on peut pas le voir, mais Guillaume porte un t-shirt avec justement l'une des vignettes qu'il a faite pour l'un des épisodes, et du coup le gars est corpo à ce point. Voilà. Exactement. Tommy, quelque chose à rajouter ou pas? Non, moi c'est bon. Super. Arthur. Non, moi tu sais. Je suis bien là où je suis. Comme on est dans le moment de la publicité, l'émission Very Good Bad Movies va s'exporter. On va dire ça comme ça. C'est vrai. Pour le festival Kinoma, le 9 et 10 juin. Donc on sera toute l'équipe quasiment. Ceux qui peuvent venir. On fera des interviews de tous les cinéastes participants au festival, donc à la compétition. Et aussi, bien sûr, des personnes professionnelles qui vont faire des masterclass. Le 9 et 10 juin, donc on sera tous ensemble et on fera une émission spéciale ensuite pour après faire partager toutes ces interviews. L'émission continue jusqu'à la première partie de l'été. Exactement. Et ça, c'est beau. Ça va? Ça va. L'émission n'a pas été trop longue? Non. Rassure-moi, t'as pas oublié son prénom parce que. Non, non, non, c'est vrai, il était pour pas qui me prends-tu? J'ai des notes. Il est non, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Tu peux le rappeler? Une excuse pour cette fois, t'as une excuse. Yona? Yona? Ouais. Ah, non. J'ai du mal avec. Non, non, il y a deux syllabes. Ça m'arrive souvent, t'inquiète. Ouais, bah ça va, je sais pas très. Bon. Bah écoute, c'était cool de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, j'imagine. Ça roule. Non mais parce que j'explique, j'arrive, je vois des nouvelles têtes, alors je me dis bon bah tiens. C'est non, on a refait toutes les missions. Non mais les trois que vous avez ramenés, donc les deux podcasteurs, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. On peut dire ça. Bonne culture cinématographique, hein, je t'invite. Merci. Après, franchement, c'est rien. Attends, et puis Mademoiselle a une très jolie voix et en plus elle a aussi une très bonne culture cinématographique. Ah. Donc j'ai senti que Star Wars c'était absolument pas ton truc. Ah si, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas du tout suivi dernièrement tout ce qui se passe dans le ciné en fait. D'accord, ok, je comprends. D'accord. Et tu fais des études de cinéma? Ouais, je fais des études de cinéma, mais j'ai aucune excuse. Et vraiment, j'ai. C'est pas comme ça. T'es en bas du lycée. Miskina, elle est bien. On me fait une révélation, c'est sa voisine en fait de palier. Ouais, Estelle, un dernier mot. Oui, j'ai vu Estelle. La fête des mères ce matin. Ah oui. Alors, et j'ai pensé à vous. Est-ce que c'est un film choral? Moi, je me suis dit, c'est un film choral français. Oui. Tu sais, comme ils font la Saint-Valentin, le New Year et tout. Ah, ça doit être pas bien. Mais c'est pas forcément une comédie. Hein. C'est émouvant. C'est pas un drame comme. Il y a Clotilde Courte. Amenez vos mamans. Il y a Ashton Kutcher ou pas? Yeah. Non, il n'est pas français. Normalement, il est tout le temps dans ces films-là. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, là, c'est vraiment le principe qu'on connaît tous une maman, on a tous une maman. Parce qu'on n'y pense pas assez. Mais c'est vrai qu'on y réfléchit. Non, mais c'est vraiment là-dessus le retour, le fait de ce qu'est une mère, les sacrifices qu'elle peut faire, les désaccords qu'elle a avec ses enfants, vu de ses enfants, vu de la mère, vu de l'extérieur. Enfin, à toutes les tranches d'âge, autant le gosse que la personne âgée. Et non, c'est super émouvant. Et c'est moi ou l'affiche, c'est un rip-off de American Beauty? Oui, grave, on est d'accord. Tout à fait. Parce que je regardais les films, je fais il y a American Beauty. Ah non, c'est pas American Beauty. Il y a Kevin Spacey, non, je pense. C'est jamais. Qui vient, non, mais on était pas mal à pleurer. Attends, je vais recentrer. J'ai croisé Camille Cotin en sortant. Non. Ah bah voilà, faut dire ça. Elle était dans la salle et elle pleurait et on n'était pas. Elle pleurait pourquoi? Parce que à la fin c'est super émouvant et ça prend et donc du coup. Quand ils attrapent Kevin Spacey à la fin. Je veux voir. Moi, j'étais triste aussi. C'est pas drôle. Franchement, j'étais pas bien. Attends, j'ai pas entendu. C'est pas drôle. Non. Ok. Mais c'est pas triste non plus, c'est juste, c'est émouvant. Mélancolique. Non, mais c'est de dire amenez vos mamans et tout, mais c'est pour qu'elles pleurent à la fin. Ah non, non, c'est pas amener vos mamans. Alors, je n'emmènerai pas ma mère voir ce film, parce que t'es sûr qu'après, on enchaîne sur une discussion sur notre compréhension mutuelle. C'est hors de question. Est-ce que c'est un peu le délire, un peu comme le discours de J.K. Simmons aux Oscars quand il avait dit appelez votre mère, dites-lui que vous l'aimiez, vous l'aimez. C'est ou un peu ça. C'est vrai. C'est un peu reconsidéré. Vous mettez quelque part. Votre maman. Ça donne la leçon. Vous sortez quoi. Bien de quelque part. Ouais. C'est pas donner la leçon, c'est ça donne un regard vers les mamans au lieu de notre égoïsme d'enfant. Enfin, je dis ça alors que je suis la première à dire bah écoute, maman, je suis à Paris, alors hein, tu t'y fais, et puis voilà. Bon, Léa, bisous, un maman. Dernier mot. Ça roule. Bah, un dernier mot, bah là, nous, on va aller voir Gueule d'Ange. Ah ouais. Oui, c'est du vrai, coup, avec Madame Cotillard. C'est ça. Et Alban Lenoir aussi, que j'aime beaucoup, que je connais oui. Depuis longtemps. On verra. Ça avait l'air de la saucisse strasbourgeoise totale. C'est l'expression. Les films en filtre Instagram là. C'est vrai que t'as beaucoup plus d'expressions. Ah j'ai que ça. Il essaie tout le temps d'en lancer des nouvelles en fait. Un Larousse. Un Larousse d'expression. Bah. Ouais. Oui mais du coup si vous êtes en retard, il faut y aller. Bah je vous laisse y aller. Bisous et du coup je parlerai. Avec plaisir. Je peux revenir la semaine prochaine, j'ai pas mon stage. Je parlerai quel nom. T'as le droit. C'est pas Koh-Lanta, il y a pas des éliminés chaque semaine. Tu fais partie de l'équipe, tu sais. Donc t'es revenu, je sais pas. Tu vois parce que Ismaël ça allait mais. Ça sent le putsch. Le putsch revient là. Tu me cherches, tu me trouves. Le coup d'état, c'est pour quand? Le triple coup d'état. Il démarre fort. Hein. Bon, bah écoutez, bah, on vous laisse pas y aller. Bon film et puis bonne semaine. Bah, du coup, salut, salut. A plus dans le bus. Non, tu ne l'as pas faite. J'ai rien dit, j'ai rien dit quoi. Tu n'as rien dit. Bon, cette émission se termine un peu de manière un peu laborieuse, mais bon, voilà, dans la joie de vivre, dans la bonne humeur. 19h50, écoutez, bah moi c'était cool. Vous revenez quand vous voulez, les gars. C'est vrai? Mais tu sais quoi, moi j'adore discuter de cinéma, malheureusement, j'ai pas trop l'occasion de le faire quoi. Ouais, même si c'était un podcast. Grave, on fait genre une heure à chaque fois. Non, mais en vrai, à chaque fois, je vois des gars, ils ont quand même fait un podcast de 5 heures je crois sur leur top 5 de absolument tout et c'était cool. Ah bah voilà, voilà. Merci. Mais merci de nous avoir cool. invités, c'est très gentil. Non, ouais. C'est normal. Bah écoutez, c'était un plaisir. On se retrouve les amis la semaine prochaine pour une autre émission. On va parler certainement de Solo et d'autres choses. Allez la bise et à bientôt. Bisous, bonne semaine. Bisous. Ciao. La bise.